21h, le Before Dance Floor avec Kev sur Radio Mix Floor. Tu me dis de regarder la vie en couleur quand il fait noir autour de moi. Sur le dos, j'ai traîné pas mal de douleurs. Toi, tu me portais à bout de bras. Je n'ai pas toujours été sûr de moi. J'ai douté tellement de fois. Non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh yeah. On dirait qu'on a tous un ange. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Que mon rêve est juste à côté, que j'ai juste à tendre la main. Toute ma vie, je peux la passer à t'écouter. La douceur est ton seul refrain. Non, ce n'est pas toujours facile pour moi. J'ai prié tellement de fois. Non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh yeah. On dirait qui voit la beauté bien cachée derrière les visages. Tourne autour de toi. Toi, tu sais lire en moi. Promets-moi de ne jamais tourner la page. On dirait qu'on a tous un ange. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été on là. Dirait jeudi 21h 23h Alex Librantelle sur Radio Mix Floor. Bienvenue sur la première web radio dance floor de France, Radio Mix Floor, 21h tout pile. Alex Libre Antenne qui démarre avec une équipe de cinglés, une équipe de bras cassés. Et j'ai, pour commencer, à mes côtés, j'ai Al qui est avec moi. Bonsoir. Yes. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Ça va. On fait aller. On fait aller. J'ai aussi Tonton Manier qui est avec moi. Bonsoir Tonton. Bonsoir à tous. Comment vas-tu? Bah écoute, moi ça va. Passé une bonne journée? Ça a été. Ouais. Et puis pour terminer, j'ai aussi Ben le stagiaire, Ben tout court maintenant. Ouais, Ben tout court, je préfère. Ben tout court. Ouais, bah faut commencer à faire chier lui. Alors comment s'est passé votre journée les gars aujourd'hui? Bah moi je vais commencer, on va dire journée très compliquée. T'écoute. Pour moi aujourd'hui. Juste une petite pensée pour ma grand-mère qui nous a quittés, qui était partie retrouver les anges. Donc je ne veux pas niquer l'ambiance, mais c'est voilà, normal. Je suis quand même avec vous ce soir. Et juste une dernière pensée justement pour ma grand-mère qui m'aurait engueulé parce que j'aurais pas fait l'émission à cause d'elle. Donc voilà, petite pensée. Et puis on démarre l'émission et je veux pas que vous pleurez au niveau de la radio. Donc voilà. C'est normal. Voilà, on aura du gros son là ce soir à vous faire écouter. On aura le son par exemple de Black M, Je suis chez moi, le nouveau. Un gros son qu'on vous fait découvrir toute la semaine sur Radio Mix Floor. On aura aussi le son de Maître Gims avec Jules. Pile poil de quoi quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Je chante depuis Brigadier Sabali. Pousse-toi de la lance, pipe pas par ici. C'est plus Denis mais Aziz la malice. Ça casse plus vite, on s'en profite de la manif. Les petites grimaces, les puissances. Voilà du gros son qu'on vous fait découvrir aussi toute cette semaine. Et on commence déjà avec un énorme son qu'on kiffe tous ici. C'est le son de Ritza, là, je m'en fous. Vous l'aimez, les gars, ou pas? Ouais, ouais, mais juste un truc entre nous, mec. Je sais que t'es un petit peu stressé parce que ouais, c'est ta première son, Alex, ce soir. Voilà, exact. Tu m'as demandé comment ça allait. J'ai un peu niqué l'ambiance dès le départ, mais t'as oublié nos collègues, en fait. Vos collègues? Ah, bah, il y avait Ben et. On est pas là, on est pas là. Il y avait Alexis et. Bah, t'as pas demandé comment c'était passé leur journée. Ah, bah, si, si, je demandais, ouais. Non, chacun répond comme il veut. T'as pas demandé. Chacun répond comme il veut. Ah, si, moi, personnellement, il m'a demandé si ça s'était bien passé ma journée. Bah, après, si ça s'arrête là. Bah, il te l'a demandé, mais t'as pas laissé répondre, en fait. C'est ça. Toi, tu m'as dit que ça s'était bien passé aujourd'hui. Oui, bah, écoute, j'ai dit que ça avait bien été. T'aurais pu demander un peu plus quand même, quoi. Mais bon, c'est pas grave. T'as fait quoi de beau? Écoute, j'étais au travail. Tu travailles dans quoi? Pour les gens qui nous écoutent quand même. Je travaille dans un club de foot, moi. Dans un club de foot, ouais. Qui s'appelle L'US Gravelines. Voilà, pour ça à tous mes amis. On appelle ça comment? Éducateur sportif, non? Non, bah, moi je suis un peu en charge de tout ce qui est événementiel, administratif, donc résumé à un poste, c'est un peu le un Tony Micheli de L'US Gravelines, alors. On m'appelle Dieu là-bas. D'accord. Pour résumer. Vive le Dieu, quoi. Bah, par contre, pour ce week-end, je te félicite pas. Ouais, bah, écoute, grand, ça fait partie de la vie d'un footballeur de prendre des fessées de temps en temps. Hein. Ça me remet en question. Exactement. Tu feras bien la prochaine fois. Exactement. Et y'a Ben là, comment ça se passait toi ta journée? Nickel. T'as joué aux jeux vidéo, j'imagine? Non, même pas. Même pas? Non. Ça c'est rare. Hein, j'ai attendu la démo FIFA 17, mais elle est jamais sortie. Et une fois dans les studios, elle est sortie. Ah, il fallait acheter PES et elle est sortie aujourd'hui. Ouais, ça a commenté, j'ai vu là sur Facebook. Il m'a clashé un peu. Donc voilà, on commence avec le nouveau son là. Enfin, le nouveau son, c'est quand même assez vieux. C'est le son de Ritza là, je m'en fous. Vous aimez bien? Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Ouais. On s'en fout, non? Ouais. Ritza sur Radio Mix Floor. Je me lance, je m'en fiche de ce que les gens pensent. C'est les regards qu'on me lance. Désormais, je m'en fous. J'avance, tant pis si cela t'offense. Ton avis n'a pas de sens. Aujourd'hui je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Tu perds ton temps, tu me testes. Mais moi, je m'en fous. Et au fait, non, je ne retourne pas ma veste. Que tu partes ou tu restes, finalement, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi, va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi, va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, pourquoi tu me tournes autour? Laisse-moi faire mes affaires, je te laisse faire des efforts. Quitte à tout foutre en l'air, ouais au fond, je m'en fous. Rien à faire, tu as raison, oui j'ai tort. Moi je préfère me taire, ouais au fond, je m'en fous. On le kiffe. C'était Je m'en fous à l'instant sur Radio Mix Floor. On est ensemble jusque 23h. C'est Alex Libre Antenne. Je m'en fous. 21h-23h. 21h-23h. Du lundi au jeudi, Alex Libre Antenne sur Radio Mix Floor. Everybody. Merci d'être avec nous en direct ici sur Radio Mix Floor jusque 23h avec une équipe de fous, une équipe de cinglés. Al qui est avec moi. Yes. Comment vas-tu? Bah écoute, comme depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure. Il y a tonton Badi aussi qui est avec moi. Et bah moi ça va toujours aussi. Ça va toujours. Et puis Ben le stagiaire évidemment. Ben, pardon. Ouais. Chaque fois, je vais jamais me le mettre en tête ce truc. Ouais. Et je veux juste préciser aussi pour ce soir que normalement voilà c'est la libre antenne d'Alex. Alex libre antenne. Mais Alex n'est pas avec nous ce soir, donc c'est Quentin au niveau des. Voilà, pendant une heure. Au niveau du contrôle, et ça va être bon. Ça va être sûr, ouais. Je vais pas. Franchement. De toute façon, s'il y a des couilles, c'est de sa faute, hein, c'est pas nous. Je vais pas vous cacher que j'ai un petit peu le stress, mais bon. Bah là, on vient de m'envoyer une petite dédicace. Voix très coquine pour le nouveau présentateur. Qui ça? Pour, ouais, mais pour moi, mais qui, ouais, mais à tous les qui coups, t'envoie c'est ça? À tous les coups, c'est un mec. Ça reste secret. Si on était une grosse, je l'aurais pas dit. Faut pas demander. Bon, dans ces deux heures là, on aura le jeu des 5 mots qui va arriver tout à l'heure. On aura la minute gaming avec notre ami Ben. On aura aussi des scores là, de Ligue des Champions qui joue ce soir, PSG Arsenal. Donc, ouais, peut-être déjà le premier score là. Attends, j'allume l'application. Bon. Tout ça pour dire que le PSG gagne 1-0 face à Arsenal. Voilà. Enfin, attends, peut-être pas parce que depuis le chargement de son téléphone, il y a peut-être eu un but. Hein. Non, ça fait toujours 1-0. On aura, voilà, bon. But de Cavani, hein, on peut quand même tirer son chapeau à ce joueur. Toujours le même. En carton. On aura aussi l'info. On aura aussi l'info intox, la rubrique sexe, c'est de tonton Mani. Ah oui, je peux vous dire qu'elle est bien prête et elle est bien chaude. Elle est bien, bien chaude. La rubrique. Hein. Coquine va. On aura aussi l'appel de Chantal là, où vous avez vu Chantal. Ouais. Voilà, ouais. Donc ça arrivera tout à l'heure. Et puis on va commencer par le sujet du soir. Ah. Sujet du soir. Qui fait un régime là autour de cette table? Pas forcément. Personne. Tu nous as regardé. Ouais, non. On a déjà des corps d'athlètes, c'est bah ouais. Oubliez cette question. Pose-la toi, Quentin. Ouais, moi j'en ai bien besoin. Moi j'en ai bien besoin. Ouais. Ah, t'as pris un peu de kilos cet été là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est la bière. C'est pas grave. Alors, le sujet du soir là, quelle est votre technique pour perdre des kilos? On va commencer avec Earl. C'est très simple, c'est faire l'amour le plus souvent possible. Oh, ça, c'est sur c'est un truc graisse naturelle, qu'est-ce que je vais m'en priver? Ça, mais efficace. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est efficace. Ouais, ouais, j'ai. Vous mettez le chauffage à fond, puis alors, pas besoin de chauffage. Franco. Non, on m'appelle la chaudière ambulante quand je commence. C'est bon. Tonton Manier. Bah écoute, moi ça va être simple aussi, c'est faire énormément de sport et puis avoir une hygiène de vie. Oh, écoute-le. Parfaite, si je puis dire. Docteur Cohen. Tu viens de manger quoi là, juste avant l'émission? Un kebab à sa paix. Le mec, il a une hygiène de vie super correcte, mais vient de faire. Non, mais après, on a le droit à quelques excès. Si on a une activité sportive très importante, on peut se permettre de manger un petit hamburger de. C'est clair. De chez Quick ou McDo. Ou KFC. Ouais. On va sans citer de marque. Non, mais j'en ai cité 3. Représente. Donc, c'était ton excès de la semaine, c'est ça? Le seul. Bah, peut-être pas le seul, mais. Et toi, Ben, le stagiaire là? Pareil que Manier. Du sport. Du sport. Du sport. T'en fais du sport? Ouais, ou je suis allé mettre. Non, mais j'en faisais. Ouais, je suis allé mettre sur sport, mais j'en faisais. Fais du sport, mais avec ses poignets, tu vois. Avec la manette de PS. Ouais, ouais, voilà. Sans FIFA, il est en division 1. Hein. Eh bah écoute. Oh, the boss. Il y a les baiseurs et les baisers. Oh, mais en même temps, gros, FIFA, quoi. Oh là là. Ouais, c'est vrai. Mais quoi, FIFA? Mais c'est pas du sport, gros, c'est. Bah si, c'est du sport des noirs. Non, c'est un hobby. Un hobby. Non, c'est du sport games. Voilà. Bah, qui a acheté là le nouveau PES? Y'a quoi? Tu m'as regardé. Bah, toi, ça va être kiffant, on le sait. On va pas reparler de ça parce que ça va. Bah, ça va partir en fight dans le studio. Après, moi, comme je dis toujours, hein, chacun prend le plaisir avec le jeu qu'il veut. Pas besoin de s'en brouiller pour ça. Exactement. Bon, pour revenir au sujet, là, y a beaucoup de messages là au niveau du Facebook. Pour faire des kilos, il faut faire du sport, évidemment. C'est le message de Damien. Courir après les nanas. Bon, ça, c'est pas. Bah, je sais pas. Le seul problème, c'est que tu vas peut-être perdre du poids en courant après les dames, mais si tu cours après les dames un peu trop souvent, tu vas avoir un autre problème, c'est que tu pécho pas en fait. Hein. C'est clair. Du sport, faire attention à son alimentation, on me dit aussi là, c'est Clémence. Moi j'ai un gros dégueulasse qui vient de me dire de pas me laver pendant 3 mois, comme ça les bactéries bouffent mes graisses. C'est dégueulasse. Ouais, c'est un peu hardcore quand même. Tu restes dans la rue. Voilà. Enfin, tu seras mec, après, au bout de 3 mois, t'as beau avoir un corps d'athlète, mec, mais si tu pues la merde, tu vas pas choper non plus. Hein. Tu seras mec, mais seul. c'est ça, ouais. Après, il y a Marc qui nous dit manger sain et combiner le sport. Alison Citron, la chroniqueuse de Radio Mix Flore. La chroniqueuse de Live Rantaine qui dit la danse. Ah, la pervers secrétaire, c'est ça? Voilà, ouais, c'est secrétaire ça. Pervers. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. On me dit la danse, le régime, la soupe au chou. Eh, mais y'a un truc qui est arrivé en ce moment là, c'est. T'as pas vu tous ceux qui font de la télé-réalité, ils font de la pub pour ça aussi? Pour les thés là, je sais pas quoi, le thé qui te fait maigrir. Ah, en si, fait, j'ai pendant, vu, ouais. Ouais, je sais pas, vu, c'est ouais. Deux repas je crois, ils prennent un bon petit déj, ils mangent une seule fois dans la journée. Et sur deux repas en fait, ils boivent une sorte de tisane, un truc comme ça. Mais pareil, c'est super dangereux en plus. Mais ils sont à fond là-dedans, c'est la mode du moment. Parce qu'on voit aussi boire une sorte de tisane ou de thé, ouais. C'est les pubs pour les boîtes de régime là. Ouais, c'est une phase, je sais pas quoi. Régime box et tout là. S'il y avait que ça qui était dangereux pour les stades de la télé-réalité, ça serait aussi. Bah t'as tout en fait. Même non, maintenant, c'est... bouffer du poulet, ça devient dangereux pour tout le monde. Hey, rigole pas, tu bouffes du poulet, les mecs, ils les ont gavés de cachetons avant pour qu'ils soient sains à bouffer, mais. Je mange pas de poulet. Bah, tout ce que tu bouffes, ça y est, je suis compliqué lui. Le relou. On me dit aussi la baise. Oui, bah. Ouais, bah c'est ce qu'on vient de dire. Ouais, effectivement. Bon, on va passer au sujet du soir qui vient d'être fait. Après, on va faire le minute gaming là avec notre ami le stagiaire. Au niveau des jeux, qu'est-ce que ça te donne? Ah, je la fais maintenant. Attends, il a pas ouvert son cahier de 6ème de 6ème Molière. Bah, tu peux peut-être nous dire de quoi ça va parler. Monsieur, bon. J'ai pas mon crayon. Tu lèves ton doigt avant de parler. Ça va parler d'un tournoi ESL Pro League qui va se passer dans 3 semaines à New York. Et ça va parler du forum Gambetta, enfin le plus grand forum de jeux vidéo du Nord-Pas-de-Calais, qui va se passer à Calais exactement, dans 3 semaines aussi. Dans 3 semaines, t'as pas la date. Normalement, on devrait avoir des invites hein, pour le forum pour le salon du jeu vidéo par rapport à la radio. On les attend encore, mais normalement, il y aura peut-être des invites à gagner au niveau de Radio Mixfler. On va peut-être y être. Bon voilà, on va se refaire l'appel de Chantal là, dans moins de 5 minutes, c'était hier. Avez-vous vu Chantal avec notre avec ami Jojo? C'était juste énorme. On revient dans moins de 5 minutes là, restez là, bougez pas, c'est la libre antenne d'Alex en direct jusqu'à 23h les amis. Radio Mixplore. Un max de son dancefloor. Bientôt, la justice aura son chiffre, les 7 mercenaires. On est des braves gens et on nous chasse de chez nous. Vous êtes en quête de vengeance? Je suis en quête de justice, mais la vengeance, ça m'ira. Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke. Combien d'hommes, vous disiez? Les 7 mercenaires, 7 flingues pour un film de légende. Le 28 septembre au cinéma. L'Inox Club, le club de la Côte d'Opale. 3 salles, 3 sons, 3 ambiances. Electro Dance Floor, généraliste, hip-hop, R&B. Vendredi et samedi de minuit à 6h. Gratuit avant 1h. Parking sécurisé. C'est à Gravelines que ça se passe. Autoroute A16, sortie Gravelines. Rendez-vous dès ce week-end dans votre club. Inox Club. Retrouvez l'actu du club sur Facebook Inox Club. Radio Mix Floor. Vous avez toujours été pressé. Bien plus pressé que ça. C'est ça. Vous coupez court, vous rendez-vous chez le dentiste. C'est bon, merci. Je remplirai moi-même le trou. Vous attendez rarement les autres, moins pressé que vous. Est-ce que tu veux bien m'épouser quand? Et quand vous voyez une barrière de passage à niveau qui se ferme, vous n'hésitez pas, vous. Accélérez, ouais, forcément, ils ont... Sur les rails, le danger est plus rapide que vous. Soyez attentifs au passage à niveau. Respectez le code de la route. Ceci est un message de SNCF et de la sécurité routière. Radio Mixplore, un max de son dancefloor. Un max de son dancefloor. Tout le monde me regarde. À travers mon innocence, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa, lui, pourtant se méfie d'elle. Est-elle fidèle? La France est belle, est belle. Mais elle me regarde haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les ailes, les ailes. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime, je suis français. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. Pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne. Je préfère ne rien voir comme Amadou et Marianne. Je t'invite à manger un bon mafé chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée.

yeah. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul. Même si nos vies sont casse-gueule, je ne serai plus jamais seul. Tu ne seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul, même si nos vies sont casse-gueule. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. On and on and on and on and on and on. And on. Feed it on like. Le son de Pousty, à l'instant, Feel Alone. On est ensemble jusque 23h, c'est la libre antenne d'Alex, bienvenue. 21h-23h, 21h-23h, du lundi au jeudi, Alex, libre antenne sur Radio Mix Floor. Et toujours en direct ici sur Radio Mix Floor, jusque 23h avec une équipe de 5. On a Al qui est avec nous, bonsoir. Oupa. Oupa. Oupa. Il y a Tonton Mali aussi qui est avec nous. Ouais, toujours, toujours. Et puis Ben. Oui, c'est moi. Ben, putain, tout court, ça y est, j'ai réussi. Oh, je suis choqué, putain. Bah, d'ailleurs, Ben, qu'on va écouter là tout de suite, c'est la rubrique gaming. Tu vas parler de quoi, mon petit gars? Je vais commencer par le tournoi qui aura lieu à New York. À New York. Dans le Barclays Center. Ouais. Et c'est où, New York? C'est en Afrique. C'est aux États-Unis. Ah, non, bah, c'est une question comme ça, on sait jamais. Je croyais qu'il y avait répondu en Afrique. De quoi? En Afrique, non? Vas-y. Je suis pas con à ce point non plus. On se pose la question de temps en temps. Et New York, c'est la capitale des États-Unis ou pas? Non. c'est quoi? Washington. Bien, Ben. Allez, Ben, c'est là. Ça fait plaisir. Faut pas abuser. Tu m'aurais répondu Paris, t'aurais été dans la merde. De quoi? Je dis, tu m'aurais répondu Paris, t'aurais été dans la merde. Vas-y, je suis pas con non plus. Allez, vas-y. Attends, je sais pas par où commencer parce qu'il y a tellement de trucs à dire dessus. Ça va être un truc énorme. Ça va juste prendre 10 minutes. Oh les mecs, fais chier, mec, déconcentré. Bah ouais, putain, mec, déconcentré en plus, c'est vrai. Allez, excuse. Vas-y. Bon, t'embrayes ou pas? Bah oui, attends, je passe la première. Attends, c'est 8 équipes qui vont s'affronter sur 2 maps. Une map, c'est quoi? Non. Une carte. Okay. Une carte de jeu. Une carte de jeu. Ok, ouais. C'est 8 équipes qui vont s'affronter et ça va être élimination directe. D'accord. Ouais, mais bon, s'affronter sur quoi justement? C'est le truc. Counter-Strike Global Offensive. Ah, ça, bah, ouais. C'est le nouveau jeu, ça, non? Non, c'est pas un nouveau jeu. Non, c'est une ancienne version. Je connais pas. Oh, tu sais, bah, je suis pas trop jeu vidéo. C'est la dernière version de Counter-Strike, mais ça fait un moment qu'il est sorti. Non, bah ouais, mais il y a combien de temps? Il y a 6 ans? Non, 4 ans. Ah bon, j'étais pas loin, à 2 ans près. Ça va. Les bonhommes, ils ont encore des gros pixels comme ça. C'est ça. Et avec un shit, tu tires encore à travers les murs, tu vois. Headshot. Oh putain, j'ai tiré dans le mur. Ouais. Elle sent, il est carré. Et le vainqueur du tournoi remportera 250 000 dollars. Ah, ça c'est intéressant par contre. C'est intéressant. 250 000 là, dollars. Avec ouais. Un jeu d'il y a même 30 ans. Hein. Bah ouais, ça te fait un petit 220 000 euros, un truc comme ça. Oui, l'euro, il est un petit peu moins fort. Faut le partager en 6. Bah ouais. Ça va, 220 000 euros en 6, quoi. C'est bon à prendre, mec. Hein. C'est le prix d'une caisse. Nous, si on partage bien 20 euros à 4. Ça te fait un petit peu plus de 300 000 chacun. 300 000 chacun? Bah non. Non, 220 000 euros à se partager à 220 000. Non, non. Bah, bah merde. Non, ça te fait un peu plus de. Oh, 70. Ouais. 70, 50. Non, non, même pas. 30, non, 5, même pas. 35, 30, 35. Ouais, 000. 35 000 euros, c'est bon quoi. Ouais, ça se prend. 35 000 euros pour jouer juste à un jeu vidéo, mec. Ah, c'est clair. C'est pas mal. Surtout un counter, c'est bon. Bah ouais. Et le tournoi, on pourra le suivre en direct sur Twitch. Je sais pas si vous connaissez Twitch. Twitch, c'est un. En c'est... gros, c'est une sorte de site voilà. Qui te donne tous des infos gaming en fait avec des blogueurs. Des diffusions de jeux, des. Ça va pas passer à la télé ça? Sur le si, game. Ouais. Je sais ça quoi, ça passe sur une chaîne de SFR, mais je ne sais pas laquelle. Je croyais que c'était une marque de brioche moi. Pitch. Ouais, ça va passer sur une chaîne de télé là. Game One ou un truc comme ça là. Je... Ça se peut qu'elle passe sur Game One. Game One, ouais, c'est ça. Bah, vas-y, on va. Mais c'est quoi Game One? Bah, c'est une chaîne de jeux vidéo. Ah! Bref. Et tu prends tes infos là-dessus ou pas? Non. Le mec, il va faire chier le monde. Non. Et du coup, ça sera sur ESL CSGO sur Twitch. ESL CSGO, Electronic Sport League. Ah, oulala, il a travaillé sa rubrique ce soir, attention. J'essaie de le niquer, mais c'est pas possible. Je connais parce que j'en faisais partie. Oh. Ah, bah ça y est, on n'a pas dit de te monter non plus. T'as demandé juste de faire ça rubrique. Rigole. Et lui, t'as gagné 250 000 ou pas toi? Non, j'ai pas fait aucun tournoi, j'étais trop nul. Ah. Ah bah c'est bien, tu l'avoues en plus. C'est cool. C'est quoi d'actualité? Non, bah j'ai plus de PC, je peux plus y jouer. Ah merde. Ah c'est con. Eh, tu sais que mon métier c'était de faire de PC avant. Ouais, je sais, je t'ai déjà demandé un PC, mais j'ai jamais le jour. Bah, je t'ai dit non. Eh, il est marrant, lui, il me donne. Eh, j'ai 200 balles de budget. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Eh, c'est juste le prix de la carte graphique, gros. C'est dingue ou quoi? Et donc, il y a deuxième salon là. C'est le Forum Gambetta. Le ouais, salon... c'est à Calais, hein, pour ceux voilà, qui connaissent. C'est pas. Le plus grand salon du jeu vidéo du Nord-Pas-de-Calais. Ouais, c'est pas le Forum Gambetta, c'est le salon du jeu vidéo au Forum Gambetta. Ouais, mais. Ah, mais précise. Il va me niquer toutes mes rubriques. Voilà, exactement. Jusqu'à temps que ça soit parfait. Et il aura lieu le 1. Ah, j'ai oublié de préciser. Le 1. Le tournoi de CSGO aura lieu le 1er et 2 octobre. D'accord. Okay. Donc, dans un petit mois, quoi, tranquille. 3 semaines. Ouais. Bah, voilà. Un petit mois, 3 semaines. Mais t'as pas le nombre de participants par hasard? De quoi? Pour vraiment avoir l'info au comble. Au tournoi? Ouais. Je t'ai dit, enfin, au tournoi et au salon aussi. Ah, au salon. Pour ceux qui sont intéressés par les jeux vidéo. Je sais qu'ils attendent 100 000 personnes, mais je sais pas s'ils les auront. Ouais. Bah, ça peut se faire. L'entrée est gratuite, donc je pense que ça peut se faire. Moi, je peux déjà vous dire que normalement, sur ce salon-là, il y aura PES et Call of Duty. Ils sont toujours là, les deux. PES FIFA aussi, il est là. Ah, il a même un tournoi FIFA. Ah, d'accord, ok. Ça marche. Il préfère faire un tournoi FIFA que PES, tu comprends? Bah, ouais, je comprends. Et il y aura un concours de cosplay aussi. Ah, ouais, bah, comme dans tous les salons en fait. Comme dans tous les salons. C'est quoi ça? Tu connais pas ça? Non, je ne joue pas aux jeux vidéo. Bah, mais non, mais c'est un concours en fait où tu reprends. En gros, tu te grimes par rapport aux personnages de jeux vidéo en fait. D'accord. C'est un concours de déguisement de personnages de jeux vidéo. Ben, il va se déguiser là-bas. Je vois bien arriver là-bas. Non? De quoi? Non. Ah merde! De ta faute, on me dit pourquoi Ben t'a demandé un PC? Oh là là. Et je réponds bah, parce qu'il a un PC. Et fait, bah, je savais pas qu'il était gay, pourquoi il t'a demandé un plan cul? Oh là là. Est-ce que je peux embrayer sur les blagues de merde tout à l'heure avec Peach? C'était pas mal. Ouais. Bah, Coldplay, c'était pas un groupe de chanteurs normalement. De toute façon, un groupe, oh, c'est putain. Toujours un groupe de chanteurs. Vrai, à la base. Ça peut être un groupe de chanteuses. Hein, ou un groupe de musique. Chanteuses. Ouais. Ou chanteuses. C'est vrai. Bon, deuxième info sur le salon du jeu vidéo qui va se passer à Calais. Ça sera toutes les nouveautés qui vont sortir. Ouais. Il y aura des tournois Mario Kart, des tournois FIFA, des tournois Call of Duty. PES. Non, il n'y a pas de tournoi PES. tu peux y jouer, mais il n'y aura pas de tournoi. Et pour ceux qui sont de la région, en fait, c'est un bon petit salon à venir voir déjà. Parce que ça se passe dans notre ville. Et j'ai la petite info, l'année dernière, il y avait à peu près 6000 personnes sur le week-end. Donc c'est pas mal, c'est un petit truc à vivre et c'est sympa. Et bah voilà, tout est dit. Merci Jojo qui nous écoute, qui est pas là avec l'émission mais qui me balance les infos sur Facebook. C'est gentil. Suce-boule va. <C'est le cas. rire> Non, je plaisante évidemment. Trop tard, c'est dit, il l'a entendu. Je vais quand même faire tirer les oreilles les jours prochains là. Ah Jojo, de toute façon c'est enregistré, t'as traité de suce-boule. Oh lolo. Bah quoi. Non, je plaisante. Bon voilà, merci bien mon de petit, rien. Mon petit Ben, et tout de suite bah, on va se faire un nouveau son. C'est The Parakeet. The Parakeet. Ouais, The Parakeet. C'est de l'anglais ça. Ça veut dire quoi, The Parakeet? J'en sais rien moi, c'est le nom d'un groupe. C'est un parachute avec un kit. C'est un Parakeet. J'allais la sortir aussi. The Parakeet sur Radio Big Floor en ensemble jusque 23h. About to land, after years of joy, life is a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my head. Save me. le son de The Parakeet à l'instant sur Radio Mix Floor. 21h23h, 21h23h, du lundi au jeudi, Alex Libre Antenne sur Radio Mix Floor. Everybody! Et toujours là, jusque 23h, avec vous tous qui nous écoutez partout en France et aussi ici dans les studios. Al, qui est avec nous, qui vient de se faire mal. Hein. Non, je viens de me faire piquer par une bestiole. Ah merde, il y a tonton Mani. Ça me fait pousser une couille sur le bras. Il y a tonton Mani aussi qui est avec nous. Et oui, et oui. Et Ben le. Ben, c'est ben, moi, c'est ben. Moi, c'est moi. J'allais dire Ben le stagiaire, mais non. Ouais, bah tu t'es rattrapé, c'est bien. Merci, merci. On va passer. Bah t'as des résultats à foot à nous donner là avec Marseille. La... Marseille. Non, Marseille, je joue pas la Ligue des Champions. Fais moi le foot. Bah, je sais pas, tu m'as dit Marseille tout à l'heure. Non. Si, je t'ai demandé si tu avais. Tu m'as demandé si t'avais des. Je t'ai demandé si t'avais des résultats foot à me donner. Et ouais, mais c'est parce que Marseille est en train de jouer là le match là maintenant quoi. Bah non. Mais non, Marseille joue pas la Ligue des Champions. La Marseille est en train de jouer un match amical contre une des trois Suisses. Bah ouais, bah voilà, mais j'ai jamais dit que c'était la Ligue des Champions. Déjà, d'une, j'y connais rien au foot. De deux, je m'en branle, mais c'est ce que t'as dit tout à l'heure. T'as parlé de Marseille. Non, j'ai pas parlé de Marseille du tout. Et qu'est-ce qui a dit Marseille gagne 2-0? J'ai dit Barça. Barça, bah t'as eu, on a compris la même chose. J'ai compris Marseille aussi. C'est l'accent. Accent de merde, hein. Exactement. Donc, alors, vas-y. Le PSG gagne toujours 1-0 face à Arsenal, but ouais. De Cavani. En quoi? En Ligue des Champions. Ligue des Champions. En Coupe Carrefour. La Coupe Henri Boucher, quoi. Le c'est quoi cette Coupe de merde? La ça Coupe Henri Boucher, ouais. Ça existe pas. Coupe Carrefour, ça existe, Coupe Carrefour. C'est vrai, ça existe. Truc de merde. Carrément. Ah, ça, c'est clair. tu gagnes un bon d'achat de 150 balles à Carrefour, hein, ça se prend quand même. Donc, Paris à zéro. Pour les fins de mois, pratique. FC Ball. Ball. Contre Ludo Goretz. Ouais. On va y arriver. C'est quoi ce nom de jeu? Je sais pas du tout, j'ai jamais vu cette équipe. FC Ball, c'est pas les trous du cul, non? C'est les trous de balle. Le FC Ball perd 1-0. Oh là là. Eh, j'ai vu, qu'est-ce qu'il m'a piqué? C'est un moustique. Il vient de tomber là. Putain, il y a un moustique. Ah, c'est ça, c'est lui le bâtard, il vient de me piquer. Non, ça peut pas être celui-là. Ça peut pas être celui-là, ça pique pas ça. Ça pique pas les cousins. Vas-y, cousin. Tout à l'heure, j'en ai tué un juste derrière moi, j'ai failli me faire piquer aussi. De quoi, tu l'as tué? Oh, espèce de sauvage. Il est monté au ciel. On me dit que j'ai un appel de Brigitte de Bardot par rapport à un assassinat de moustique de Quentin. La ligue anti-moustique là est en train de t'attaquer en procès, Quentin. Ouais, bah pour l'instant c'est le moustique qui est en train de m'attaquer. Ah, on traite sur Twittos Quentin hashtag Bégon Vert. Comment ça? Oh, c'est contre les insectes, Bégon Vert. Ah, Bégon. Ah, Bégon. Non, ouais, c'est pas grave. Merci de m'avoir niqué ma fin de temps, mais c'est pas grave. Non, mais j'étais le seul à comprendre les gars. Je ne connais rien, moi. Ah, c'est une blague d'intellectuel, hein. Non. Il y a quoi comme marque, Bégon Vert? Bah, c'est connu, Bégon Vert, non? Bah y'a Scotch aussi qui font ça, je crois, non? Non, Scotch c'est le collant. Bah ils font aussi des trucs comme ça, non? Ah non. Ah non, c'est quoi une autre marque, une autre marque connue pour les insectes? Ah y'a pas Red, si, oui, Red. Red, voilà, ouais, Red, c'est ça. Insecticide, non? Non, ça c'est le truc de Lidl, ça, non, je connais pas, non. Non, mais ça existe, Insecticide. J'ai pas entendu aussi parler. Mousticator. Non mais on était à la base, on était en train de parler de foot et là ça dévie sur les noms de. Bon, c'est normal. C'est ce putain de moustique qui est rentré là, qui fait chier le monde. Bon, enfin bref, on s'en fout. Putain, je te jure, il m'a sucié la poule. Il a pas fini ses résultats. Gros, il y a encore beaucoup de matchs. Hein. Ah, t'es sûr qu'il t'a pas su autre chose? Bah non, ça aurait été la bile, j'étais en train de me trouver. Je sais pas, la table est en train de bouger depuis tout à l'heure. Ouais, mais c'est parce que j'ai un gros bras. Bon, on va passer au. Regarde, sérieux, sur le prix. Il y a encore des résultats. Ah, bah si, ouais. S'il ne parle pas, je peux pas entendre. Le Dynamo Kiev face à Naples. Naples putain gagne 2-1. Il me trouve avec ses insectes, lui. Bah donne-nous tout quand, tant que tu y es, vas-y. Benfica contre Beşiktaş JK. Beşiktaş. Merci. Beşiktaş JK en Turquie. Beşiktaş. Benfica gagne 1-0. Ouais. Bon bah Barcelone, c'est bien évident qu'il gagne 2-0. Doublé de Messi. Vous Manchester City. Le match a été reporté, Bayern gagne 2-0 aussi. Ouais. Et Atlético Madrid gagne 1-0. Ah, j'ai un hashtag. Hashtag envoyé Ben sur RTL, il pourrit l'émission. Oh merde. Merci. Oh bon, on va passer à l'appel de Chantal. Hashtag Ben devrait partir et RMC, il recrute. Oh merde. Au moins, je serais beaucoup mieux payé. Oh, ça veut pas dire. Ouais. Ouais. Bah, par juste contre, pour faire les infos à 3h30 du mat. Et surtout, faut être intelligent pour l'info sport. Oh. Ouais, non, j'y suis pas. Et faut faire des études de journalisme. Exactement. Bon, on va sportif, faire, je précise. On va se faire le. Avez-vous vu Chantal? Et c'est tonton Manier ce soir qui va s'en charger. Ah, j'ai mis quoi. T'es prêt? Bah écoute, on va essayer de battre le formidable Jojo. Hein. Exactement. Ça va pas être facile. Ah bah non, ça va pas être facile. On va vous le montrer bah là tout de suite. C'est parti. J'appelle qui aussi? Et comment c'est, tu peux le montrer alors qu'on est à la radio, c'est con? Ah, Gilles. Tu vas appeler Gilles, ouais. Okay. Coupe les micros ici. S'il veut bien répondre, ça nous arrangerait. Bon, on voit un autre numéro. Ouais, je pense. Bonjour, nous ne sommes pas disponibles pour le moment. Ah bah écoute, tant mieux pour toi. C'est pas grave, on va en appeler la deuxième. Oui. Ah merde. Ouais, j'ai pas l'habitude moi de Attends, j'entends. Ah ça y est, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Ouais, bah Gilles, bah tant pis pour toi. Ah bah voilà, on va s'en faire la deuxième. Le premier tour. Qui ça aussi, qui ça? On va s'appeler Jean-Claude. Ah, Jean-Claude, ok. Ouais, Jean-Claude. Dus. Jean-Claude de où? Tu sais pas de où? Tu sais pas de où, Jean-Claude? Non, je connais pas ce Jean-Claude. Bah, Dus. Justement, bah, tu vas apprendre à le connaître, tiens. Oui. Dus. C'est parti. C'est parti, on appelle. Moi, je pense à Vandamme plutôt, mais. On appelle Jean-Claude. Pour pouvoir contacter votre correspondant, merci de bien vouloir vous identifier. Oh, putain, c'est acheter. Un canular ouais. Oh là là là là oh là, là, là. Bah écoutez, bah c'est pas grave. Comment veux-tu que je puisse battre Jojo? On en a un dernier, c'est Jean-Marie. Morandini. Non, c'est Jean-Marc. Jean-Marie, c'est. Comment il fait Comment il imite Jean-Marie TPMP là? Jean-Marie. Jean N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ouais, c'est ça que je cherchais. N'est-ce pas? Bon, on va appeler Jean-Marie, c'est parti. Non, c'est Jean-Marc, tu m'as dit. Non, Jean-Marie. Ah, Jean-Marie. Ouais. Ah, celui qui a piqué le peigne. J'espère que tu vas répondre. Allô? Oui, allô, Chantal? Ah non, fait erreur, monsieur. Ah, bah on m'a dit que Chantal était chez vous. Ah, non, du tout. Ah non, du tout? Ah, bah c'est bizarre, non. Parce que je devais aller une guinguette avec elle ce soir, et elle m'a donné ce numéro-là, je devais aller voir Léo qui jouait de l'accordéon ce soir dans la salle communale de chez vous. Ah non, non, non, il n'y a pas de guinguette ici. Ah, il n'y a pas de guinguette. D'accord. Okay. Ah non, du tout. Bah, c'est bizarre parce que j'ai eu Chantal la dernière fois et puis elle m'a donné ce numéro-là. Elle a dû me faire une petite blague, Chantal, je pense. Bah peut-être, ouais. Ah. Oui, c'est que vous avez composé quel numéro? Bah celui-ci que je viens de faire. Donc c'est-à-dire j'ai dû. Bah le numéro que je viens de faire. Je l'ai pas en tête, je viens de le faire sur le téléphone, donc j'ai peut-être dû inverser un 7, un 8, un 3, un 4, un 2, un 6. Ah ouais. Je ne sais pas. Il n'y a pas de Chantal ni de guinguette, hein. Il n'y a pas de Chantal, d'accord. Bah écoutez, il n'y a pas une Chantal dans votre quartier? Non, pas ma connaissance. Non, pas à votre connaissance. D'accord, mais écoutez, à ce moment-là, je vais essayer de me rapprocher de la mairie pour savoir où est Chantal actuellement. Ah, bah écoutez, la mairie, à cette heure-ci, vous avez du mal à trouver quelqu'un. Ah, les feignants, ils sont déjà partis se coucher? Bah, à mon avis, ouais. Ah, bah c'est bizarre. Pourtant, il est que 21h47. Ouais. Bon, bah une bonne soirée. Hein. Ah, merci, une bonne soirée à vous, madame. Au revoir. Attends, on me dit de faire où Chantal, là, j'en bégaye. Avez-vous Chantal? Ça va, t'es tombé. Pour moi, t'es tombé sur une personne quand même super sympa. On me dit de faire avez-vous Chantal et je tombe sur une femme qui a 30 ans. Bah ouais, mais justement, il faut demander où elle est Chantal. C'est pas normalement, c'est des grand-mères qu'on appelle. Bah ouais, bah écoute, moi j'ai appelé Jean-Marie quoi. Jean-Marie, déjà, je suis pas tombé sans Jean-Marie déjà. Les numéros, je sais pas qui c'est qui va aller chercher, c'est qui? C'est le directeur des programmes? Exactement. D'accord, bah je me renseigne. Non, c'est monsieur Alex qui va bientôt arriver d'ailleurs. Ouais, bah. C'est lui qui m'a fourni les numéros, je suis désolé, je peux pas faire plus. Il va prendre un pied-bouche en arrivant. Bon, c'est pas grave, on retentera tout à l'heure le avez-vous vu Chantal. On aura également le jeu des sacs molles avec mon ami Al. Oui. Ouais, mais alors en même temps il fait l'émission, il est en train de parler à des partenaires là, qui veulent offrir un shooting photo pour un auditeur au niveau de la radio. Donc je suis en train de prendre les renseignements en même temps. Donc ouais, non mais vas-y, ouais, fais ton émission, il je suis là. Professionnel, bien. Et puis j'avais un petit sujet là aussi à vous poser, une petite question à vous poser. Les gars, attends, il y a ma cousine qui est là. Ouais, c'est le retour du moustique. Hein. Zzz, bégon vert. Putain, il fait chier. Ouais, donc j'avais. Red, cash. Ah, il y avait cash aussi. J'avais quelques petites questions à vous poser. Est-ce que vous êtes pour ou contre le Koé chez Cyril Hanouna? Bah, moi je l'avais dit la dernière fois, en fait c'est pas que je suis contre lui, mais je trouve que Koé en fait c'est déjà un bon animateur et voilà, un charisme assez important. Ouais. Donc avec Hanouna ça collait pas trop, donc après pour ou contre, à la limite je m'en fous quoi de le voir TPMP. Toi Manier? Bah écoute, moi j'aime pas spécialement Koé. Après, je rejoins un peu Al sur le fait que je trouve qu'il commence à avoir un peu trop de grosses têtes sur l'émission et. Ça a plus la même saveur, si je puis dire. Ouais. Et toi Ben, t'en penses quoi là du retour de Koé chez Hanouna? Je suis 100% TPMP, alors je suis pour. Pour? Ouais, mais en même temps, qui a rejoint l'antenne. C'est bien en fait, mais il apporte quoi de plus? Parce qu'il s'appelle Koé et pour l'instant, il apporte rien à l'émission en plus quoi. Non, mais à mon avis, le seul truc qu'il a voulu faire, c'est qu'il a fait un régime. Et comme à la radio, on le voit pas, il a voulu se montrer à la télé. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le seul truc qu'il a voulu faire. Ah, pour prendre des contrats pub après par la suite, ouais. C'est ça, c'est sûr. Et pour gameplay là? Vous en pensez quoi? Ouais, il est mortel. Ouais, je pense qu'il est mortel. Il est en train de prendre sa place tout doucement. Ouais. Ça il fait est mortel, plusieurs ouais. émissions que je vois, même celle de ce soir là, je la regarde un petit peu. Il a présenté sa rubrique, il était pas mal quand même. Pourtant, vous pensez qu'il y avait mortel. Eu des accrochages aussi avec Hanouna et puis Enora. Mais pareil, il apporte sa petite touche, mais je pense que c'est un petit peu du copier-coller de. Comment il s'appelle celui qui faisait ça avant Camille Combal. Il commence à prendre un petit peu les mêmes rubriques et essayer de faire trop copain trop vite avec Hanouna, donc. À faire suivre. Non, moi le seul problème c'est que je trouve que Guillaume Play c'est pas mal, mais ça vaut pas Bertrand Chamerois qui était là avant, ça vaut pas Bertrand Ball. Et puis il est moins trash que par rapport à ce qu'on est, on le connaît à la radio. Exactement. Forcément, moi à la radio je l'ai bien trash, là ça retouche pas mon poste. Il est sur une chaîne D8, donc je pense qu'il doit C8, se faire... C8. On va se faire disputer. Ils ont perdu une lettre, une place de lettre dans le classement de l'alphabet. Il remonte. Il est temps de passer le relais, je crois, non? Ouais, non. Ça dépend dans quel sens tu le prends. Quoi, oh, c'est pareil. Merci, tonton Manier, de ton soutien. Pas de soucis. Ok, bon, d'enculé. On t'écoute, vas-y. Ah, non, mais c'est bon. Ah bon, ok, bon, je pensais que t'allais dire quelque chose d'autre. Rien à rajouter? Non. Et bah voilà, bon, surtout, on a terminé l'émission. Ah, d'accord. Non, on se casse. Non. Bah voilà, on va faire le nouveau 21 Pilots avec Ride. On le kiffe, ça fait bien bouger. Et puis dans moins de 2 minutes, bah c'est Alex qui va prendre ma place, ça y est, il est là. 21 Pilots sur Radio Mixplore. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm ballin', so I'm taking my time on my ride. I've been thinking too much.

Allez, bonne soirée, le son de Alonso en direct jusqu'à 23h, bienvenue. 21h, 23h. Du lundi au jeudi, Alex Libre Antenne sur Radio Mixplore. Everybody! Et voilà, j'ai repris un petit peu les mains de cette radio. En tout cas, merci à eux. Attends, je vais lui mettre son micro. Bah, déjà, on retrouve Al évidemment qui est toujours là. Il y a Tonton Manier qui est avec nous. Et toujours, toujours. Il y a Ben qui est avec nous. Et puis, on retrouve Quentin derrière un micro. Attends, on va allumer son micro. C'est sûr que c'était pas prévu. Du coup, ouais, est-ce que t'es là? C'est bon? Ouais. Okay. Merci en tout cas, Quentin. J'écoutais sur la route tout à l'heure. Super. Hein. Bah, je t'avoue que j'étais un peu dans le stress aussi au départ. Pas de stress, il y a point. Est-ce que j'ai toujours. Ah, mais super, hein, franchement top. Et j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi qui stressait tout à l'heure. Ouais. Parce que tu me disais tout à l'heure, ça fait chier tous les mardis, tout ça. Je dois rassurer et tout. Et bah, je te rassure, dès mardi prochain, et maintenant tous les mardis, je serai là à 21h avec vous en direct à l'antenne. Voilà, c'est ça la grosse. Tu t'es libéré. Non, mais c'est sûr pour Quentin, sinon je laisse Quentin tous les mardis. Moi, je m'en fous. Hein. Moi, ça et là, vous allez vous faire chier, les gars. Dès mardi prochain, Quentin, il était pas là. Donc, ça m'arrangeait pas très. Enfin, bon, en tout cas, restez avec nous jusqu'à 23h. Soyez bienvenus, tout le monde. On est là ensemble avec toute l'équipe. Est-ce que t'as balancé, tiens, parce que je viens d'arriver. Est-ce que tu l'as balancé, Maître Gims? Non, pas encore. Bah, il va arriver dans quelques temps. Ça va arriver. J'adore ce son. Hein, pile poil, je crois quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Je chante depuis Brigadier Sabali. Pousse-toi de la. J'adore ce son. Ah, je te jure, ça fait une heure que j'attends ce son. J'ai putain, il faut que je le balance direct quand j'arrive. Il arrivera évidemment dans quelques instants, reste avec nous, on se fera un soprano également en feu. Ouais. On a pas avancé, non? Non, toujours pas, non. Bah, j'ai entendu que tu sois là en fait pour le faire. Oh, vu que t'as bien ces sons, alors j'ai pensé à toi. On se le fera dans quelques instants, sera soprano en feu. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce sera soprano et ce soir je vous ferai gagner 50% de réduction sur les produits de la gamme Vitroclène. Je sais pas, j'ai trouvé ça dans les studios, je sais pas ce que c'est. Bon bref, restez avec nous, on dirait jusqu'à 23h. Qu'est-ce qu'on va se faire? Tiens, on va se faire le jeu des 5 mots avec notre ami Alain. On va le retrouver avec le jeu des hôtels. On va balancer 5 mots de la part de toute l'équipe. Vous allez prendre des mots. Ça me fait derrière parce que Mani, déjà j'ai du mal à le voir avec le pied. Et Mani, aujourd'hui, il a le casque de. Le mec, il va faire l'armée, quoi. Tu vois, là. On dirait les casques avec les mecs là qui étaient dans les tentes. Ouais, dans les tanks. Ça fait trop ça. Comment ça fait le mec qui a la radio, tu sais, à l'armée. Putain, j'ai du mal. Bon, bah, en tout cas, reste avec nous. Alors, le jeu des 5 mots, on va prendre des mots de la part de toute l'équipe. On va commencer, tiens, au hasard, Ben. D'accord. Merci, Ben. Bonbon. Ah, bonbon. Bon, 40-45. Bonbon, ok, bonbon. On a de bonbons pour Al. Attends. On a Quentin qui a un autre mot. Qu'est-ce qu'il y a? Quentin rigole. Bon, lui, il a un non, mot. J'ai trouvé un mot, Bubblies. Bubblies. Ouais, des mots qui existent. Hein, quand ouais, même. Ça veut dire quoi, Bubblies? Bah, ça existe, c'est sur le paquet de bonbons. Ah, d'accord. Qui pour une fois qu'il y a des bonbons ici. Oh, t'as un Ben, il a réfléchi. Il a putain, mon. Oh, il y a un paquet de bons becs. Oh, bonbon, allez, vas-y, direct. Allez, bonbon, blec. Non, c'est quoi ton. Bon blec. Ton mot. Il en mange un à l'antenne, lui. Bubblies. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Ouais, il est là, le flic. Allez, Tonton Manier, du mot. Bah, moi, du coup, ça sera le mot tank. Tank. Tank. Ok, bon, bah, tank. Bah, tu vas prendre un mot de. Tu voulais pas, non? Tank. Tank. Ouais. Tank. On va prendre une auditrice. Bah, t'as ramené ta soeur ce soir, Tonton Manier qui t'a. T'as ramené ta soeur. Les gars, regardez-vous, j'ai ramené ma soeur. Bah, ça fait... bah, tu l'as dit un peu dans ce style. T'as ramené ta soeur ce soir. N'importe quoi, bah, c'est bien. Tu fais découvrir ton métier à travers les gens. Oh, je sais qu'il y a des gens de l'équipe qui sont sur le dossier déjà, mais je ne citerai pas le nom. D'accord, ok. Alors, donc, peut-être pourquoi il y a eu un blanc là d'un coup? Moi, je veux savoir qui est sur le dossier. C'est pas moi. Ouais, d'accord, bon bah Alex, on a compris. Non, c'est pas Alex. Ah non, d'accord. Il aurait déjà pris un pied bouche sinon. Ben, qu'est-ce que t'as foutu? Non, c'est pas moi. Ah bah, le rapprochement est vite fait. Bon bah, Kevin, est-ce que tu nous écoutes? Non. Ah non, c'est pas Kevin. Bon. Ah merde, j'en oublie un. On va pas d'autre chose. Merci. Ah d'accord. Allez. Donc est-ce que t'as peut-être un mot pour le jeu de 5 mots? T'as pas de mots? Merci. Hein. Pour la prochaine fois, je n'invite plus. Un mot peut-être de l'autre côté du public. J'entends rien de quoi. Ronflex. Ronflex, ok. Ronflex, ouais, vive Pokémon Go. Ça existe plus ça. Et si, ça existe encore. Ok, donc 5 mots là. Bah moi j'en ai que 3. Bonbon, tank, ronflex. Bah non, il y en a pas encore un. Bah non, Bubblies. Bubblies. Ah, mais arrête. Il y en a en dessous. C'est un vrai mot, ça, en plus. Bah, monsieur Bubblies. Original. Ah, d'accord. Monsieur Bubblies. Moi j'ai un mot, j'ai perche. Quand on m'arrive là, côté message, j'ai perche. Il note sur son ordinateur. Est-ce que vous pouvez balancer des phrases? Très professionnel. Tape dans le fond, je suis pas ta mère. Ça me rappelle quelque chose, merci à toi, poteau. Ça fait rappeler. Mes couilles sur ta front, tu feras le dindon. Ah là là, oh, c'est trop long ça. Donc ça fait quoi comme mot du coup? Bonbon, tank, ronflex, bubblies et perche. C'est pas mal. Et ben voilà, on va appeler un hôtel du côté aller de, loin avec ça, mais de Bordeaux. Ça va aller? Oh merde. Ok, c'est parti, on appelle en direct un hôtel. Comme par hasard Bordeaux quoi. Ouais, ouais. Comme par hasard Bordeaux. Pourquoi à Bordeaux? Parce que votre correspondant est indisponible. Il a ses règles. D'accord, l'hôtel il répond pas. On dirait moi tout à l'heure. Il ferme, ville de chômeurs. Ah là, pourquoi ville de chômeurs? Ah Bordeaux, ouais, c'est pas calé gros, t'es fou quoi. Ouf. Eh, ça fait quoi le niveau foot là? J'ai vu que le PSG jouait tout ça. Arrête de bouffer les bonbons, fais tourner. Attends, il est en edge. Hein. C'est le temps de recharger son portable, j'ai entendu tout à l'heure sur l'antenne. Ok, on va appeler notre hôtel. Hop. Non, mais fais tourner, mais je parlais pour moi, mec, pas pour les autres. Ah, pas l'hôtel. Bordel. Quoi, hôtel Bordeaux Centre, c'est l'une ça? Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger, madame, ça serait pour faire une réservation s'il vous plaît. Pour quelle date? Attendez, je regarde mon agenda, 30 secondes. Est-ce qu'à partir de mardi, donc la semaine qui arrive, donc la semaine prochaine, oui. De mardi jusqu'à vendredi, si c'est possible? Non, malheureusement, on est complet là pour les deux semaines qui arrivent. Ah, ben bah, alors pourquoi vous me demandez les dates? C'est ridicule, je trouve. Ben bah, non, si vous venez pas forcément dans les deux semaines qui arrivent, monsieur. Bah ouais, mais je vais pas vous appeler pour... Je suis pas devin, je peux pas savoir que vous venez dans les deux semaines qui arrivent. Ah non, c'est pas un reproche que je vous fais, mais voilà, Si, vous venez de me dire que c'est ridicule, donc là, vous êtes un petit peu agressif. Quand même. Est-ce que vous avez déjà donc, eu des moi, personnes... Moi, je vous explique qu'on n'a pas de place, donc c'est est-ce, pas la est-ce peine que de vous faire avez une réflexion, je peux pas le savoir. Et... Alors, vous avez la répartition facile. Hein. Non, mais est-ce que je voulais vous expliquer, non, en fait ? Non, c'est la répartie, tout court. La répartie, ouais. Mais... Non, mais quand vous en avez beaucoup, c'est la répartition, en fait. Bon, d'accord, je suis un petit peu nul en français, je vous l'avoue. Mais non, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que voilà, je ne vais pas vous appeler pour faire une réservation dans un mois. Dans la logique, c'est peut-être dans la semaine. Peut-être, dans la semaine. Mais il y a beaucoup de clients qui le font. Ah, je pense que vous me prenez pour un ronflex. Vous n'êtes pas obligé de faire une réflexion, monsieur. Ah non, mais je vous fais pas un... Non, mais attendez, sortez de votre tank. Je vous sens super énervé. Non, mais il n'y a pas de souci. Vous voulez peut-être un petit bonbon pour vous décontracter? Tout va bien. Bonne soirée, monsieur. D'accord. C'est que dans le shot, là. Oh. Pile poil de quoi quitter la vie. Un petit peu désagréable, quand même, hein, madame. C'est vrai qu'elle était désagréable, ouais, la femme. Même. Complètement, putain. C'est début de semaine. C'est normal, elle me demande des dates. Je lui donne les dates et l'hôtel me dit non, il est complet pendant 15 jours. Elle est en manque de cul. C'est un peu con, quand même. On va s'appeler notre hôtel. Allez, on va essayer. Allez, c'est parti. Hop. On rappelle notre hôtel, c'est parti. T'as intérêt de l'avoir de la répartition, là. Allez, c'est parti. Oh, une petite chienne. Pervers. La chatte, elle est comment, là? J'ai envie d'appeler des pervers. Mercure Bordeaux Centre, Michel, bonsoir. Oulala. Allô, monsieur? Oui, bonsoir. Êtes-vous dans un tank? Je vous entends très très mal. Allez, raccrochez. Ah bah, monsieur, tu m'as rappelé, je sais pas ce qu'il a branlé avec son téléphone. T'as qualité du téléphone de merde, hein. Je sais pas ce qu'il a branlé avec son téléphone. Ça va, les patates non plus, hein, je pense. Il est là. Attends, on va rappeler. Je croyais que c'était mon casque qui déconne. Voilà. Oh, pop. T'as les casques, ils... Allô? Allô, monsieur? Ouais, une main complète dans ta chatte. Allô, monsieur? Êtes-vous dans un tank? Je ne vous entends pas. Allô, monsieur? Je vous tends la perche, répondez-moi. Allô, monsieur? Vas-y, c'est mort, vas-y. Ah, mais c'est quoi, ce bordel? Attends, même moi avec vous, Chantal. Bah ouais, c'est passé du premier coup, tu vois. Quand c'est moi, les téléphones déconnent, c'est bizarre. Ah non, c'est pas qui déconne, là, c'est lui. Hein, c'est qui moi. Qui s'occupe des numéros? C'est moi, pourquoi je t'en parle? Ah bah ouais. Prends des villes au hasard, hein, écoute. Ah, on me dit par message privé là sur Facebook, bise à Superman. Ah bon? Merci. Non, et si je veux pas lui dire? Hôtel des Quatre Sœurs. Ah, bonjour et bienvenue. Veuillez patienter. Hôtel des Quatre Sœurs, Valentin, à votre service, bonsoir. Ah, excusez-moi, Valentin, serait-il possible d'avoir une jeune fille au téléphone, s'il vous plaît? Je n'aime pas du tout votre voix. Je suis désolé, il n'y a pas de jeune fille. Ah bon, écoutez, non, c'était une plaisanterie, non, vous inquiétez pas. Non, bien évidemment, je vous appelle pour faire une réservation, bien sûr. Mm-hmm. Ah ah, non, excusez-moi. Dites-moi pas que c'est possible ou dites-moi pas, parce que je viens d'appeler des hôtels, on m'a dit que c'était complet pendant 15 jours. Alors qu'on me demandait mes dates de réservation, c'est un petit peu ridicule. Vous les réservez pour quelle date, monsieur? Alors, donc, j'espère que ça va pas être trop loin pour vous, à partir de mardi prochain. À partir de mardi prochain. Vous me faites très peur. Je vous donne des bonbons si c'est bon pour vous. Hein. Alors, mais vous savez qu'on est complet aussi, là. Ah, alors, je vais devoir me déranger en tank et vous défoncer l'hôtel. Ok, moi, ça marche. Pas de soucis. Non, non, soyez sympa. On va faire une petite chasse au Pokémon tous les deux. On ira chercher un Ronflex tous les deux. Mais non, non, non. Vous êtes vraiment complet? Ouais, non, vraiment, ouais. Ah, bah, vous me tendez une perche, mais c'est pas facile pour moi à récupérer, là, parce que... Comment voulez-vous que je fasse pour trouver un hôtel? Qu'est-ce qui se passe sur Bordeaux en ce moment? Nous, on a beaucoup, beaucoup de groupes, là, en ce moment. Ah là là là là, bah, je sais pas, il y a un congrès dans le coin ou... Il y a effectivement les entreprises qui reprennent du service à la rentrée, donc il y a beaucoup mais de écoutez, boîtes. Écoutez, je travaille dans l'entreprise Bubbly's, je ne sais pas si vous connaissez. Pardon? Je travaille dans l'entreprise Bubbly's, si vous arrivez à me trouver une chambre, je vous ferai peut-être des petits cadeaux. Alors, je ne connais pas cette entreprise. Je peux... Non, je peux pas. Alors, trouver de chambre. Vous allez me dire que vous ne connaissez pas, mais je suis sûr que vous connaissez. Question très personnelle entre nous, vous n'êtes pas obligé de répondre. Avez-vous une dame dans votre vie? Une copine, une femme. Voilà, lors de petits câlins coquins, la marque Bubbly's est partout. Donc, si ça peut vous orienter dans le choix de mon entreprise. Et vous inquiétez pas qu'au niveau des cadeaux, je ne vends pas des cravates, ça va être super cool. Des cravates de notaire, c'est ça? Je ne parlais pas de cravates de notaire parce qu'à l'entreprise Bubbly's, quand on parle de notaire, c'est pas des cravates qu'on fait. Hein. Non, c'est sympa pour le speech commercial, mais malheureusement, non, j'ai pas de dispo. Hein. Ah, au moins, vous avouez que je suis un bon commercial, ça s'entend. C'est très sympa, monsieur. Non, écoutez, si vous êtes complet, au moins je vous ai fait passer un bon moment et j'ai réussi à caser mes 5 mots. T'as réussi à caler tes 5 mots? Voilà, donc oh, c'est principal. Il a bien joué quand même. C'était la même chose qu'hier alors. C'est le même cas, c'est même hôtel. Oh merde! Mais c'est con les gars ou quoi? Ouais, on a rappelé le même hôtel, putain, le standardiste il a fait n'importe quoi aujourd'hui. Bah oui, c'est la même radio, c'est pas grave, c'est pas la première fois que ça arrive. Mais c'est pour ça que je me dis merde, le gars il est super cool, c'est la première fois que ça nous arrive. Le standardiste il a merdé, je crois qu'il a repris les mêmes numéros que hier en fait, c'est pas cassé le cul. Oh bah il y a des jours on a pas envie de s'embêter plus que ça. En même temps, vu comment t'es sympa mon gars, je crois que tu te fais bien chier ce soir, donc t'avais envie de te détendre. Alors non, moi je suis sympa parce que je suis un mec cool en fait. Bah écoute, dans ta profession c'est pas idéal et... T'es en direct dans toute la France, donc profite mon homme. Cool. Ton homme? Ah, vous connaissez, vous êtes en couple? Ouais. Bon, c'est pas parce qu'il m'a sucé la bite une fois qu'on est en couple. Et c'est quoi ton prénom déjà? Valentin. Valentin, t'as quel âge toi? Valentin, il bossait déjà hier soir, c'est ça? 30 ans. 30 ans, ah la trentaine, c'est pour ça. Bah c'est pour ça, elle a le bel âge. Oh, exactement. Profite, dans 5 ans, il n'y a plus d'érection. Oh là là, quel salaud. Bon, merci en tout cas, Valentin, mais pour ta gentillesse ce soir. À l'entreprise Bubbly's, on a tout ce qu'il faut. Bon, sérieux Valentin, t'es bien routé là, ton boulot ou tu te fais chier? Bah non, on est bien. Oh, arrête ton cirque. Quand on se fait chier, on bouge, non? Oh, c'est parce qu'il y a ton patron derrière, arrête ton cirque. Hein. Ah bah voilà. Encore un mec qui a une vie de merde. Non, mais en tout cas, merci à toi Valentin. Non, mais la vie est dure, faut bosser les amis. Même à Bordeaux. Ouais, merci. Exactement, mais faut bosser partout. Hein. Ouais, non, viens pas dans le Nord pour bosser, hein, c'est un peu la merde. Hein. Bah merci à toi mon pote, ça fait grave plaisir, on te souhaite une très bonne soirée, à bientôt et bon courage. Merci vous aussi. Ciao. Salut, promis, on te rappelle pas demain, hein, c'est sûr. Non bah de toute façon demain c'est pas moi, allez-y. Ça va, on rappellera demain alors. Mais fais-nous un truc, hein, fais-nous une promesse, ne préviens pas à tes collègues. Non, certainement pas. Je vais essayer. Demain c'est une nana ou c'est un mec au niveau du standard? C'est un mec, je suis désolé, si vous voulez des nanas, faut appeler en journée. Je vais appeler demain soir, mais je vais essayer de le draguer, tu vois, et si ton collègue t'en parle, tu sauras que c'est nous. La journée est bannie. Ok. Et vous, c'est qui exactement? Bonne soirée, salut. On va raccrocher. Je sais pas si on va donner le nom là. Ah là là, bah, trop tard, j'ai raccroché, ça a coupé bizarrement. Allez, merci d'être avec nous jusqu'à 23h. Pas quand même applaudir Al, qui a quand même géré niveau canular. Ah, bah ça va. Ah, public de folie ce soir. Bon, reste avec nous, on sera info à Tox avec Quentin tout à l'heure. Ouais. Et est-ce que vous êtes pour ou contre les enfants qui sont moins de 12 ans sur Facebook? Ah là là, ça c'est pas bien ça. Non. Qu'est-ce qu'il y a, tonton Manier? Il veut faire sa rubrique sexe. Non, on parle de la rubrique de Quentin, mais il y a aussi ma rubrique à moi aussi. Ah, pardon, je l'avais pas noté sur ma fiche. Ah oui, c'est vrai, rubrique sexe de tonton Manier. Ah oui, on va la faire. Et bah, non, parce qu'on attend un petit peu que ça soit un peu chaud. La rubrique sexe qui arrive évidemment. Dans moins de 5 minutes. Hein? Ta chatte, elle est comment là? C'est un petit peu ça ce soir. Imagine la maman qui te fouille la chatte complètement. C'est un peu ça là, c'était le pervers, on s'en rappellera demain des pervers. Et bah, la rubrique sexe de tonton Manier qui arrive dans quelques instants, on aura info à Tox avec Quentin. Et puis justement, comme je voulais dire juste avant la pub, est-ce que vous êtes pour ou contre les enfants du moins de 12 ans sur Facebook? On va faire un petit tour de table. Ben, bah Ben, toi t'as 12 ans donc. Non, mais. Est-ce que t'es pour ou contre, contre. Les gars? Hein? Pourquoi faire? Bah, parce que... tu as demandé de développer à Ben, hein, c'est la merde. Avec les pédophiles, tout ça, on sait jamais. C'est vrai. Bah non, déjà, faut dire... faut réfléchir correctement, faut dire l'inverse. Il y aurait moins de gamins de 12 ans sur Facebook, il y aurait moins de pédophiles déjà. Peut-être, ouais. C'est vrai. Ah, bah ouais. Ah, c'est vrai, ouais. Dans tous les cas, je suis contre. Pourquoi t'es pédophile? Attends, on va aller faire un petit tour du côté des amis de Ben sur Facebook pour voir l'âge des demoiselles. Et la Jessica, c'est 30 ans, la belle blonde, machin. Quentin, toi. Ah, mais ça, quand c'est ça, moi je suis contre. Fake, hein. Moi je suis contre. Pourquoi? Bah, parce que ça rend con, Facebook. Déjà, quand tu vois les gens de maintenant. Ah, bah déjà, à ton âge, j'ai vu le nombre d'heures que tu regardes sur Facebook. Pas n'importe quoi. Je ne regarde pas n'importe quoi sur Facebook. C'est-à-dire? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont mettre des... Enfin, ne regarde pas... Alors attends, je vais aller voir sur le profil... Ah bon, c'est que des trucs de rajout, donc tu peux y aller. Ouais, et puis tes phrases à la con, là. Quelle phrase? Machin, les autres trucs, trucs... Ah, c'est souvent pour la libre antenne. Ouais, c'est ça, tu partages les trucs, là, les photos, là, machin, là. Quelle photo? Clique sur j'aime et t'auras un iPhone 7. C'est quand ça qui partage. Bon, alors j'ai été piraté, mais c'est pas moi. Bon, voilà. Pourtant, la dernière fois, tu m'as envoyé des sites de cul sur Facebook, hein, c'est bizarre. Des sites de cul? Non, je me suis trompé. Et tu me demandais de cliquer pour te filer un pass de 3€ pour aller mater une vidéo. Quoi? Je te promets. Ah non. Ah, c'est un parrainage. Un parrainage, je me l'ai envoyé aussi. Ah bah. Allez. Franchement, vous me dites ça, je suis même pas au courant en fait. Quentin, vous envoyez 3 crédits sur YouPorn. Hashtag j'ai fumé de la bœuf. Non, mais je te promets, je vous promets. Quentin, vous envoyez des coins. En anglais, des crédits quoi, des crédits, ouais. Bah, le seul truc que j'ai de Quentin, moi, c'est l'invitation à Badou. J'ai rien de chose. Ouais. Fais comme on peut. Ah, bah exactement. Je préfère avoir ça qu'on y croche. J'en reçois souvent ensuite, lui. Des, ouais, non, des bah, trucs couille, de tu me débloquer mes vies, s'il te plaît? Non, c'est pas possible. Je ne joue pas au jeu. Ah, bah, c'est pas toi, alors. Bah, Toto, non, ça y est, je joue pas au jeu vidéo, mais qu'est-ce que je regarde comme film de cul, hein. Tonton Manier, est-ce que t'es pour ou contre, toi, les gars? Bah, écoute, moi, on va pas dire que je suis pour, on va pas dire que je suis contre. On va dire que c'est simplement aux parents d'expliquer aux enfants. Après, c'est un gamin de 12 ans et assez mature pour aller sur Facebook et s'amuser. Je suis pas forcément contre. Pour moi, c'est aux parents. Sur Facebook, en fait, ouais, ils devraient mettre une sorte de contrôle parental, tu vois, pour éviter toutes les images de violence et tout, ou les trucs à la con. Pour moi, il y a des choses intéressantes pour les. Mais les contrôles parentaux, normalement, t'as un âge sur Facebook, ils contrôlent tu changes d'identité. Ouais, c'est ça, tu regardes les nains. C'est un peu les trucs cons, comme tu arrives sur les sites de cul, entrer ou sortir, c'est t'as plus de 18 ans. Ouais, c'est bidon, c'est bidon. Tout le monde le fait. Non, pour moi, 12 ans, tu peux aller sur Facebook. C'est un site tout public. Après, il faut savoir, il faut avoir les bons parents qui t'expliquent. Pour moi, non, pas forcément contre. Ok, et Ale, du coup? Non, contre. Parce que moi, je trouve qu'à 12 ans, en fait, à 12 ans, t'es pas encore mature assez pour aller sur Facebook. C'est. Je sais pas, tu vois tellement de conneries, tu vois tellement de. Bah, il y a plein de trucs, comme tu dis, il y a des trucs intéressants, il y a plein de conneries aussi. Ouais. Et à 12 ans, je pense encore que t'es encore un peu gamin dans ta tête et tu préfères profiter avec tes potes et voilà quoi. Tu sais, dans le Nord, t'as des filles de 12 ans qui sont déjà mères, donc en termes de maturité. Ouais, mais ça, c'est juste pour avoir un certain pourcentage au niveau de la CAF, en fait. C'est un maintien pour la CAF. Ah, t'es excellent, t'as la réputation. Bah, quoi, bah, c'est ça. C'est soit la CAF ou les consanguins, donc. C'est ce que j'allais dire. En même temps, quand t'as un gamin à 12 ans, c'est parce que tu t'es fait violer par ton père. Y'a pas d'autre chose. Bon, on va parler de cul justement avec la rubrique de Tonton Manier qui débarque. Oh merde, j'en ai choqué quelques-uns. Dans moins de 3 minutes, reste avec nous. On se fait souffle dans moins de 2 minutes également. Reste avec nous. Souffle dans moins. C'est ce que tu viens de dire, gros, c'est tout ce truc. J'ai répondu souffle dans moins de 2 minutes. Non, t'as dit souffle dans moins. Ah, j'ai mis 2 minutes. T'es dégueulasse, c'est super. Ta gueule. Oh merde. On fera un faux intox avec Quentin, évidemment, ouais. Reste avec nous jusqu'à 23 ans. C'est Alex Libre Antenne, welcome. Radio Mixplore. Un max de son dance floor. Bientôt, la justice aura son chiffre, les 7 mercenaires. On est des braves gens et on nous chasse de chez nous. Vous êtes en quête de vengeance? Je suis en quête de justice, mais la vengeance, ça m'ira. Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke. Combien d'hommes, vous disiez? Les 7 mercenaires, 7 flingues pour un film de légende. Le 28 septembre au cinéma. L'Inox Club, le club de la Côte d'Opale. 3 salles, 3 sons, 3 ambiances. Electro Dance Floor, généraliste, hip-hop, R&B. Vendredi et samedi de minuit à 6h, gratuit avant 1h. Parking sécurisé, c'est à Gravelines que ça se passe. Autoroute A16, sortie Gravelines. Rendez-vous dès ce week-end dans votre club Inox Club. Retrouvez l'actu du club sur Facebook Inox Club. Radio Mixplore. Vous avez toujours été pressé? Bien plus pressé que ça. C'est ça. Vous coupez court, vous rendez-vous chez le dentiste? C'est bon, merci, je remplirai moi-même le trou. Vous attendez rarement les autres, moins pressé que vous. Est-ce que tu veux bien m'épouser quand? Et quand vous voyez une barrière de passage à niveau qui se ferme, vous n'hésitez pas, vous... Accélérez, ouais, forcément, ils ont... Sur les rails, le danger est plus rapide que vous. Soyez attentifs au passage à niveau, respectez le code de la route. Ceci est un message de SNCF et de la Sécurité routière. Radio Mixplore, un max de son dancefloor. Un max de son dancefloor. me dit qu'elle est fatiguée. Eh, eh, eh. Elle me dit qu'elle veut tout lâcher. Eh, eh, eh. Même pas eu le temps de lui expliquer. Eh, eh, eh. C'est plus la peine de continuer. Eh, eh, eh. Mais c'est le temps qui court, court, court, court, court. Mais c'est le temps qui court. Mmh. Pour tout ce mal, je suis désolé. Temps qui court, c'est le temps qui court, c'est le temps qui court, c'est le temps qui court, mais c'est le temps qui court, c'est le temps qui court, oh, c'est le temps qui court, eh, eh. Mais à coup pas. Fatigué, eh, eh, eh. C'est à cause d'elle que je vais tout lâcher. Eh, eh, eh. Je sais pas comment lui expliquer. Eh, eh, eh. Un jour je finirai par me barrer. Eh, eh, eh. Mais c'est le temps qui court, court, court, court, court. Mais c'est le temps qui court. Mmh. Pour tout ce mal, je suis désolé. Eh, eh, eh. Encore une fois, j'ai tout gâché. Mais c'est le temps qui court, mais c'est le temps qui court, eh, eh, eh, c'est le temps qui court, mais c'est le temps qui court, mais c'est le temps qui court, c'est le temps qui court, oh, c'est le temps qui court, eh, eh, eh. Mais à coup pas. Mais à coup pas. Avouer, à demi-mot pardonner, tous tes défauts avouer, à demi-mot pardonner, mais c'est le temps qui court, mais eh, eh, c'est le temps qui court, mais c'est le temps qui court, oh, c'est le temps qui court. Mais à coup pas. Mais à coup pas. Allez, bonne soirée. Le son de Souffle à l'instant. Mia culpa en direct 22h, passé de 23 minutes. C'est ici que ça se passe, on bouge pas. 21h, 23h. 21h, 23h. Du lundi au jeudi, Alex libre antenne sur Radio Mixplore. Qu'est-ce qu'on est bien ensemble là jusqu'à 23h du lundi au jeudi, ça se passe comme ça. Demain on s'appellera des pervers, demain on trouvera aussi également Jojo qui sera avec nous. On retrouvera Ben demain. Non, Ben il sera pas là demain. Pas là demain. Ben il est pas là demain. Ben il va faire du ski. Ouais, c'est je ça. Faire du ski. Ah là là, bah voilà, c'est comme ça, ça se passe. Tu vas faire du ski. Ouais, non, je vais faire du ski. Non mais c'est pas vrai. Non, il y a la démo de FIFA qui est en téléchargement. Je suis sûr que c'est pour ça en plus. Non. Non non, c'est pas ça. Non, il est deg, il est obligé d'attendre 6h du matin pour jouer avec. Ah là là, mais certains ils ont eu le PES là, j'ai entendu que vous avez eu un relance pas le débat parce que j'en ai entendu parler tout à l'heure Quentin. Merde. C'est FIFA, hein? Jeu de merde. Ah là, mais on critique pour les jeux. Non, moi j'ai dit chacun joue avec le jeu sur lequel il s'amuse, tout simplement. Voilà, c'est ça. Tant d'animosité dans ce jeu. On va le voir sur Arte bientôt. On va parler de cul maintenant. Ah. C'est autour de la. Ah, j'ai remis mon hot d'or au jeu. Mon god d'or, ah, ton god d'or qu'il avait gagné évidemment jeudi, si vous avez écouté dans l'embrouille sexe de Tonton Magnier. Al, il avait répondu à toutes les questions, il avait eu le god d'or. Non, pas tout, mais une grande partie. Sachez qu'on peut parler de cul maintenant parce qu'il est 22h, 23. Donc maintenant les enfants sont couchés, entre guillemets. C'est ah, ça, tout à fait. Alors là, au Wixex de Tonton Magnier, on t'écoute avec ta petite chanson comme d'habitude, c'est bah, ça? Bien entendu, j'allais la demander. Hein, donc, ah, pardon, tant pour moi, je l'avais pas noté. Bon, bah c'est parti. 1, 2, 3, 4. Tonton Magnier, c'est qui? Tonton Magnier, c'est lui. Tonton Magnier. Le voilà, allez, c'est parti. Merci à tous, merci à tous pour cette entrée. Tout le monde se regarde dans le blanc des yeux en disant c'est une musique de merde, mais bon, quand tu veux le faire quand même, c'est bien. Ouais, ça fait un peu ça, ouais. Avec la boule de paille, tu sais, comme au western. Bon, c'est pas très grave. Allez, vas-y, la rubrique. J'ai 5 petites questions, c'est bien? Ou j'en fais 4, ou j'en fais 3, c'est vous qui voyez. Je fais comme tu veux. Oh, vas-y, d'accord. Fais comme tu le sens. Bon, je vais faire les 5 comme je suis là qu'une fois par semaine, je vais me faire plaisir. Y'a pas de problème. Ma première question. Ouais. Les hommes qui en ont un plus gros sont meilleurs au lit? Bah, une bite. Bah non, ça serait trop simple, mon ami. Les hommes qui en ont un plus gros sont meilleurs au lit. Eh oui. Un ventre ? Un ventre ! Ah oui, Ben ! Ah, ah. Bonne réponse, ouais, bonne réponse. Bon, bah je peux me réjouir alors. Bien entendu, il y a une explication scientifique à ça. Les hommes qui ont un gros ventre se sentent bien entendu plus complexés. Et se disent donc, vont pour faire l'amour, ils vont tout simplement redoubler d'efforts. Ah ouais. D'accord. Et donc du coup ils vont perdre beaucoup plus de calories et de poids. Donc voilà, Quentin. C'est ça en fait, tu te sens. Et là Quentin il fait merde, je suis gros mais en fait je me casse pas le cul quoi quand je tire. Quentin il est content en train de se dire. Non non, il est en train de se dire l'inverse. Il fait putain je suis gros mais moi en fait je me casse pas le cul quoi. Donc Quentin tu redoubles d'efforts toi pour tes poissons? Non, moi je reste normal. Ah d'accord, tu fais la position de l'étoile de mer? Non, c'est souvent moi qui suis dessus. Le chasseur. J'étais lumière, c'est bon. Bon, je vais passer à la deuxième question. Hein. 80% des femmes le font et c'est mauvais pour la santé. C'est pas la sodomie, ça c'est sûr. Vous allez avoir du mal à trouver. Hein. Vous allez avoir du mal à trouver. C'est un truc par rapport aux aliments, non? Tu non, peux répéter, tout, s'il te plaît. 80% des femmes le font et c'est mauvais pour la santé. Suce une bite. Ah non, non, c'est très bon. Avaler du sperme. Non. Non, non, c'est très bon. Je vais vous donner un indice, c'est pas forcément sexuel. Hein. Ah, bah, ça dépend, c'était la minute. Non, ouais, mais c'est la minute sexe, mais bon. Se mettre un god. C'est quelque chose pas sexuel. C'est quelque chose qui. Ah, qui se masturber avec un pommeau de douche. Non. Bah, si, tu peux attraper des infections. Se masturber avec Sophie la girafe. Non. Bah, quoi Si c'est pas sexuel, c'est quoi alors? Hein? Si c'est pas sexuel, c'est quoi? Non, c'est par rapport à quoi? Bah, donne un indice. C'est une rubrique sexuelle, bien entendu, mais c'est quelque chose. On s'en fout. Qui sert pendant. Ah, quand elle se rentre la brosse des chiottes dans la chatte. Je vais vous donner la réponse parce que j'aurais pas le temps de faire les 5 questions. Donc, 80% des femmes portent un soutien-gorge qui n'est pas à leur taille. Ah, ouais, d'accord. Et oui, ah. Et c'est très mauvais pour la santé puisque ça irrite les côtes, ça scie les épaules et ça laisse des marques profondes sur le corps. Ah, ça scie les épaules, Bob le bricoleur. Et 80% des femmes mettent des soutiens-gorge qui ne sont pas à leur taille, c'est quand même énorme. Bon, si tu vois une femme sans bras, t'as compris. N'importe quoi. C'est la fatigue, désolé. Je dois reprendre la route après. Continue. Next. 16% des femmes le font au lit. Pété. C'est ça. Non, c'est pas ça. Ah merde, ça aurait pu. Ça aurait pu. La fellation. Non. Avaler. La sodomie. Non. Non. Sucer. Non. Je viens de le dire. Il vient de le dire, mais lui il a utilisé un mot que t'as pas dû comprendre en fait. La fellation. La fellation. Tu connais pas la fellation? C'est quoi? Je ne dirais pas le même mot. Enfin, je dis pas les mêmes mots. Ouais, mais ah ouais, tu savais ce que ça veut dire quand même, fellation? Bah, vite fait. J'espère que cette émission sera enregistrée. Oh merde, on apprend des choses tous les jours à Ben. Qu'est-ce qui avait confondu à l'époque la levrette et la sodomie? Bah, c'est Ben. C'est Malik. Ah, il y avait Malik aussi. Ouais, mais t'étais dans le lot, je crois aussi. Non. Bah je sais pas, attends, donne donc, des indices. 16% des femmes le font pendant les rapports sexuels. Je sais pas. C'est quelque chose qu'elles font, plus ou moins. Elles simulent. Ah, elles simulent. Voilà. Ah, elles doivent avoir l'habitude. 16% Non, sur Facebook. Ah, elles doivent avoir l'habitude. 16% des femmes simulent, donc messieurs, ne soyez pas étonnés, hein, de temps en temps, si elles créent un peu trop fort. Seulement 16% en fin de compte, on aurait pu croire, un peu plus. Hein. Mais ouais, mais je suis sûr que... C'est elles ont pas, elles ont pas été franches dans leur réponse. Ouais, voilà, exactement. Ouais, peut-être, ouais. S'il y avait leur mari derrière. La suite. 81% des femmes le font une fois par mois. Et ça, je peux vous dire que c'est un scoop. Hein. Se masturber. 81% des femmes ouais. le font une fois par mois. Se masturber. Et oui, se masturber. Mais... Comme quoi, on fait toujours passer les mecs c'est pour vrai. Des gros pervers. Par contre, j'adore les motos qu'on entend derrière. Ouais, rassurez-vous, on fait pas l'émission en plein air. Hein. Ah, si, tour du coup, on la fête. C'est Ben qui est en train de jouer à GTA. Il est en train de se faire poursuivre par les flics. 6 étoiles. Fais le code. Donc, 81% des femmes le font, donc elles se masturbent une fois par mois. Après, ouais, on une les fois mecs, par mois, mais c'est pareil, ça me fait rire. Ça. Ouais, mais quand même, 81%, là, les femmes, pour moi, ont été assez honnêtes quand même. Parce que là, d'habitude, elles mais c'est pas, beaucoup ça, plus, mec, arrête de déconner. Bah, 81%, ça fait 8 femmes sur 10 qui se. Regarde, touchent, on a deux nanas là dans le studio, on va poser la question. Bah, tu poses la question à ta sœur, moi je pose la question à moi. Parce que c'est elles vont dire non, c'est sûr. Ouais, mais non, alors, parle pas sur un mois alors, dans ce cas-là, parle dans la semaine. Sincèrement, une nana, c'est minimum 2 fois dans la semaine. Ah, les mais... filles! Ça reste assez secret, ça reste assez ah, secret. Bah, ils vont dire non, mais non, mais. Ah, oui, c'est sûr. Là, ils ont. Là, j'ai un nom à côté, là. Ah, oui, bon, en plus, je veux pas dire que je me suis branlé. Mais ça veut dire que c'est. C'est tout à fait logique. Ça veut dire que c'est plus! 81%, je trouve que c'est quand même. Ah, bah voilà. 8 femmes sur 10. C'est. 8 femmes sur 10, c'est énorme! Bah oui, une fois par mois, mec! Non, mais au moins une fois par mois! Ah, ouais, au moins, mais c'est. C'est peu! Mais en tout cas, c'est la vérité, moi je te le dis. C'est comme j'ai lu un truc de docteur et tout. Sachez que pour se toucher, que ça soit pour la femme ou pour un mec, se masturber, parce qu'il y a beaucoup de potes, c'est qu'on est au collège, etc. On en parle souvent, tu sais, se masturber, c'est un peu une honte. Mais sachez que c'est même très important, c'est très recommandé de se masturber, de découvrir son corps avant une relation sexuelle. Sachez-le, en tout cas, c'est très important. Donc allez vous branler, allez vous toucher, c'est bon pour la santé, rassurez-vous. Et si je peux rajouter un conseil pour les jeunes. Ne pas croire que les premiers rapports sexuels seront comme dans les films que vous pouvez regarder. Hein. Parce que le jour où vous allez arriver, vous allez avoir une lunette. T'imagines le gamin de vous. C'est la boue. Et que vous allez voir le truc bien dégueulasse quand même, faut être honnête. Vrai, ouais. C'est pas aussi. T'imagines le gamin de 15 ans de maintenant là, que sur premier rapport sexuel, il prend sa gonzesse en levrette. Allez, il lui tape le cul. Allez. Hop, il est en train d'éjaculer, il lui prend la tête. Après, il lui met dans la gueule et tout. C'est comme tout le monde, quand tu te vois quand t'es au collège. Ouais, ma première fois, j'ai fait 35 minutes. 35 minutes, facile. Alors que t'as même pas tenu. C'est dingue, déjà avant de commencer, avant de sortir ta bite, t'as déjà éjaculé 3 fois dans ton calbut avant de commencer. C'est ce que je parlais de la semaine dernière. Moi, j'ai mis 10 minutes à rentrer à trouver le trou. La porta portas. Vous vous rappelez la porta portas de la semaine dernière que je vous avais parlé? L'éjaculation la plus précoce du monde. Ouais, c'est vrai. Eh oui. Ah c'est le show comme on l'a dit d'avoir des éjaculateurs précoces là. T'imagines ça? Ouais. Le mec, là, pourquoi tu dis ça en regardant Quentin? Parce qu'il est un gros. Je pose la question à tout le monde, c'est pour ça. Je regarde Quentin comme je regarde Radmed. Ah d'accord. Mais pourquoi moi? Ah non, casser les couilles. Non mais enfin moi ouais, c'est chaud quand même. J'en ai une dernière très simple là, c'est pour clore le débat. Un homme pense à ça toutes les 7 minutes. Au cul. Bah ouais, c'est au cul. Ah, voilà. Tous les quoi? Toutes les 7 minutes. Bah toi c'est tous les 3 minutes. Écoute, un homme pense au cul toutes les 7 minutes, comme quoi les femmes nous prennent pour des pervers, on pense pas à ça tout le temps. Voilà, les femmes, ouais, on pense toujours à ça. Non, toutes les 7 minutes. Parce que dans une journée, il y avait 4 heures. Quelle explication scientifique? L'explication scientifique, ouais, non, même là, pas, j'en, non. J'en ai pas, tu vois. Bon. Donc c'est que c'est vrai. Là j'en ai pas, donc 7, ouais, toutes les 7 minutes c'est pas mal quand même. Donc j'ai encore envie de dire, je garde la tête. Bah non, ça fait 2-2. Non, non, t'es là que j'ai donné 3 réponses. Non, c'est en train de faire un combat. Si, ça est très à cœur. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas compté les points. C'est ça pour me carotte mon gueule d'or. Non, non, t'es là, je garde la tête. Non, on a eu 2 chacun. Écoutez, pour éviter toute. Toute violence sur la prochaine fois, je ramènerai un god d'or et des couilles d'or. Comme ça, s'il y a deux, il y a des égalités, j'aurai 2 trophées. Des couilles d'or. Eh, tu ramènes des couilles de non, cheval, des cougnettes. Voilà, en tout cas. Les petites cougnettes d'or. Ah, voilà, c'est tout pour ce soir pour ma rubrique, les amis. Bah, merci à toi. C'était très instructif. La rubrique sexe de Tonton Magie, on découvre beaucoup de choses dans cette rubrique sexe, en tout cas. Mais c'était très compliqué ce soir. Par rapport à jeudi, c'était plus. Bah oui, bah, je vais monter crescendo, hein. Comme j'ai dit, j'ai commencé facile. Là, je vais un peu plus difficile. Et dans le temps, ça sera beaucoup plus gore. Donc, on va parler de chiasse, etc. Comme j'avais dit. Ah, bah moi, je reviens dans l'émission dans 3 semaines, les gars. Ouais, ça va aller dans le gore, hein. Combien de femmes. De scotophile, de nécrophile. Bah oui, combien. La prochaine question. Les mecs, il faut l'avoir à des bords et tout. Combien de pourcents de femmes ont déjà baisé avec des animaux? 40% des hommes l'ont fait. Oh, manger le caca de leur partenaire. Ah, c'est dégueulasse. Oh merde. C'est à partir de quel âge, ça? Je me soucie un peu. Tu commences quand ça. Tu veux, écoute. Est-ce que vous avez déjà. Non, mais sérieusement, c'est gore. Bon appétit à tous ceux qui sont à table. Mais, bah, bon appétit à 22h30. Bon appétit, moi, j'ai à Paris une fois avec mon frère, il m'avait dit vas-y, tu vas regarder, tu vas vomir. À regarder une vidéo de nécrophile, un mec qui est en train de chiquer dans la bouche de quelqu'un d'autre. Je suis sûr, c'est dégueulasse. Je crois que tu me l'avais fait voir cette vidéo dans l'ancien taf. Ouais, c'est vrai. Est-ce que ça veut dire. Vous avez déjà regardé une vidéo comme ça là? Ouais, ouais. Il y a la montrer aussi, c'est pas par passion. Non, mais dis que faut pas mourir con, mais ouais, j'ai déjà regardé. Non, mais c'est pas par passion non plus. Ça s'appelle Sugar One Cup, un truc comme ça. Ah oui, ouais, non, mais c'est celle-là qui est connue. Ouais. Genre, le gars il passe toutes ses nuits à télécharger des jeux vidéo, mais lol quoi, c'est ça. Ça, puis la meuf qui se fait enculer par un cheval. Ouais. Ah bah là, bon, il joue aux vidéos mangeant du caca. T'es fou quoi. Et paf, ça fait des chocs. Ouais, la femme qui s'est fait transpercer par un cheval, je l'ai vu, elle est morte. Dégueulasse. Ah oui, ouais. Paix à son âme. Bon, moi, alors, a kiffé la. Ah, tu m'étonnes, imagine une bite de cheval dans l'estomac quoi. Bon, restez avant tout. Space quand même. Bon appétit à tous ceux qui sont à table. Voilà, merci à vous en tout cas, bon appétit. Et puis bonne soirée et bon courage à tous ceux qui partent travailler 22h33. On est jusqu'à 23h ici même. Alex, libre antenne, on se fera info à Tox avec Quentin. Juste après la dernière bombe de Mike Perry, The Orsons. Bienvenue avec l'accent bien. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need, all I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a Allez, Mike Perret, l'instant en direct. Bonne soirée, bon courage à tous ceux qui partent travailler. Là, on est là ensemble lundi au jeudi, 21h, 23h. Alex Libre Antenne. Jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne sur Radio Mix Floor. En direct évidemment, et toute l'équipe, il y a Al qui est avec nous ce soir. Yes. Il y a Ben qui est avec nous, il y a Quentin qui est avec nous, ouais, je suis là. Il y a Tonton Manier qui est avec nous. Yes. On est en direct évidemment jusqu'à 23h, on lâche rien. Demain matin normalement. Alors j'espère pour vous en tout cas, mais dès demain soir on nous entendra carrément mieux parce que demain on va installer le nouveau traitement de sondage. Ah bah il serait temps. Ah, ah bah ouais, mais attendez, il y a des gens qui travaillent dans cette radio. Ah puis demain soir il va même pire. Non bah non, ça m'a attendu. Il y a aussi ça n'a pas marché comme ça. Et demain vous allez avoir un message sur Facebook. Oups, désolé, pas de Libre Antenne ce soir. Non, si on va pas la Libre Antenne quand même. Il y a aussi le hashtag on a cassé le pied. C'est pour avoir une meilleure qualité audio parce que c'est vrai que comme hier on a eu des. Quand on crie fort en fait ça sature un peu, bah il y aura plus de ça. Le système des dédicaces aussi non. Ouais bah petit à petit, tu sais, c'est les fonctionnaires ici. Tu commandes quelque chose ici, on l'a 3 heures après. Non mais notre Julien National. Ah moi ça fait 15 jours que je lui demande une facture, j'ai toujours pas eu. T'es gueule, je l'ai là. Ouais mais elle est pas imprimée donc ça revient. Ouais c'est ça. Reste avec nous en tout cas. Info Atox avec notre ami Quentin à 22h37. Ouais. Info ou Atox? Bah justement t'as eu la question. Voilà donc il y a une femme sur Terre qui veut devenir un serpent à sonnette. Info ou Atox? Complètement cinglé. Complètement cinglé. Info Atox. Info. Info. Ah je dirais info. Quentin, je vais me reculer parce que j'ai des yeux qui se baladent là sur ma feuille. Je veux dire info. Eh ben, fais gaffe si tes yeux se baladent, fais gaffe, hein, garde-les bien dans tes orbites. Moi je dirais info aussi parce que j'ai déjà vu un homme vipère. C'est vrai? Bah oui, il se coupe la langue, il se met. Ah moi j'ai déjà vu une femme. Un homme chat ou une femme chatte? Peut-être des. Une femme chatte. Voilà une femme chatte, moi j'adore ça. Une femme avec une tête de moule, une femme chatte. Donc info évidemment. Par contre Ben, tu l'aurais sorti, t'aurais été content, donc fais pas le malin. Alors de quoi info? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Elle a pas lésiné sur les moyens. Ah. Ouais. T'as coupé dit ça sur moyen, de façon. Ouais. Ouais, parce qu'elle s'est coupée les oreilles. T'as vu, j'avais raison. Ah bah oui. T'as coupé les oreilles. Ouais. Cinglé. Coupé les oreilles. Combien? Elle s'est aiguisé les dents. Oh. Ouais. Elle a retiré son l'os de son nez. Ah, quand tu me dis ça. Elle s'est coupée la langue en deux. Oh putain. Ouais, bah toi, c'est ce que j'avais dit. Oh voilà. Putain. Et son kiff, son rêve, c'est de devenir serpent à sonnette. Ah quoi, elle doit être trop bonne. Mais par contre, je me demande où elle va mettre la sonnette. Quoi. Hein? Je me demande où elle va mettre la sonnette. Même avec 3 grammes, Ben, tu irais quand même sur elle ou pas? Non. Ouais, oh, elle est dégueulasse, les cheveux courts. Ah, imagine, tu vas dire ton cul. Gling, gling. C'est mon tour. D'accord, ok. Ensuite, il y a un couple. C'est pas un faux atox? Hein? C'est pas un faux atox? Ah si, un faux atox. Parce que tu commences à couple, hein, pardon, excuse-moi. Ah ouais. Laissez-le travailler, s'il vous plaît. Non, c'est un faux atox, je sais pas. Non? Bon, ok, excuse-moi. Ouh là là. Je veux pas te déranger, allez, vas-y, fais ouais. Alors, il y a un couple qui laisse un serpent venimeux se balader dans leur maison du matin au soir. Info ou atox? Ah, pardon, excuse-moi, j'avais mal compris. Je commence par l'affirmation et je demande, je pose la question juste après. Tu peux répéter, j'ai pas entendu? Il y a un couple dans le monde qui laisse un serpent venimeux se balader dans la maison. Du matin au soir, info ou atox? Info. Ouais, si c'est possible. Bah, écoute, quand tu regardes les 30 histoires vraies sur NRJ 12 là ou non NT1 le soir, ouais. Moi je veux dire atox, moi. C'est vrai. Info. Eh bien, c'est atox. Ah. C'est pas un serpent venimeux, c'est un ours brun. Ah ouais, non, mais c'est clair que ça n'a rien à voir. Hein. C'est un ours. Il s'appelle... Moi à la base, tu me parles d'un serpent, je dis ouais, c'est pas possible. Un ours. Moi je croyais qu'il allait dire que c'était pas un serpent venimeux. Non, non. C'est un ours. Je pensais que vous l'auriez. Ah, mais non, c'est une girafe. Un feu ou un tox? Donc, je laisse promener ma petite chatte sans poil chez moi. Un tox? Pourquoi? Parce que c'est un mammouth que j'ai chez moi. N'importe quoi. Un éléphant. Tu te promets qu'un éléphant, ouais. Ah, faut être tox. Ah, ouais, d'accord. Un éléphant, n'importe quoi. Ah, mais tu sais, un ours, tout ça, mais t'as pas le droit d'avoir ça, c'est illégal, hein, je crois. C'est parce que t'as par rapport à un truc. Ça dépend, c'est un vrai ours ou un ours. Même un ours, t'as pas le droit d'avoir non, ça. Non, je crois qu'il y a, non, mais je crois qu'il y a certains, certains états, aux États-Unis notamment, où t'as le droit d'avoir des animaux un peu plus exotiques. Ok. Ouais, c'est pas exotique du tout, un ours, mais bon. Il y a un gorille, ok. Quand je vous. Quand un gorille, c'est exotique. Exotique. Ah ouais. Pas exotique, je voulais dire un peu plus spécial. Les forêts tropicales. Les forêts tropicales. Bah, les gorilles. Un ours, c'est pas. Non, mais c'est je te parle des gorilles. Bah, ouais, c'est pas un animal tropical, un gorille. Bah, avec les singes, tout ça. Dans les Mais c'est pas parce que t'as une jungle que c'est tropical obligatoirement. Qu'est-ce que tu racontes? Tropical. J'imagine Manier, par exemple, qui a un gorille chez lui. T'es dans une soirée chez lui. T'as le gorille comme ça. C'est mon poil et tout, c'est pas grave. Et donc, avec une bière et une clope devant les matchs de foot. Ouais. Et donc, ça adore ce bras qui s'appelle Stephen. Chante dans tes mains, petit ours brun. Tape, tape, tape dans. Excusez-moi. On a encore 20 minutes à tenir, les gars. Salut, bon. Ça va aller. Ça part en couille. Donc il s'appelle Stéphane, il pèse 136 kilos. Seulement. En plus, il ingurgite. Oh, c'est un jeune. Il a quoi? Il a que 6 mois. Je pense, ouais. Il pèse 25. Il pèse. Il ingurgite 25 kilos de nourriture tous les jours. Ah ouais, bah c'est un animal que ouais, ça coûte pas cher du tout, quoi. Oh, c'est flippant. Oh, non, t'imagines, non. L'ours il pète un plomb, il peut te bouffer là. Tu c'est pas un animal que t'aurais surcalé, parce que déjà pour bouffer 25 kilos de viande, déjà par mois ici il galère. Alors, chez Maxiso, je pense que t'en trouves. Chez Maxiso, non? Chez où? Hein? Maxiso. C'est quoi ça? Je connais pas, c'est un magasin d'animaux. Maxiso. T'es obligé de taper partout. Maxiso. Le mec, c'est quoi ça? Ton magasin de merde! Bah, l'animalerie, quoi, putain! Tiens, il va travailler, tu travailles où? Chez Max Ciseau? Le mec, il a voulu faire cool, toi! Max Ciseau! Bah, quoi, bah, c'est mignon! Travailleur, nouvel emploi, travailleur libre service chez Max Ciseau! Maxi! Petit champagne, tu trouves un CD chez Max Ciseau! Max Ciseau! Bah, c'est pas de ma faute si ça s'appelle comme ça! Ouais, ça fait penser au ciseau, qu'est-ce que vous demandez? Ah, Max, bah, ouais, d'accord, ok! tu parles un gros là! Bon, enfin, troisième. Ciseau plutôt égayé! Attends! Ah, j'ai une info ou une intox de Nicolas Guidé! Ah, putain! C'est parti. Un fou intox, Nicolas a-t-il un orang-outan chez lui? Ah, Nicolas, est-ce qu'il a un orang-outan chez lui? Moi je dirais un faux. L'orang-outan c'est toi, mec, bah ouais. Quand tu te déguises. Donc, franchement, ouais. Là je pense que là c'était pas forcément nécessaire cette. Après, Nicolas, je sais que tu m'écoutes. Comment veux-tu que je te. Voilà, comment veux-tu que je t'accepte sur Facebook? C'est pas possible. Le mec fait flipper, franchement. C'était pas mal l'imitation là. De quoi? L'imitation de Nicolas Guidé. Non, j'ai fait il y a 5 minutes. Le mec il se travaille, j'ai fait à 5 minutes. Bah non, mais depuis tout à l'heure vous voyez comme des cons. Hein. Mais c'est pas moi, c'est Nicolas Guidé. En même temps, avec ton info à toc du serpent, tu passes au gorille quoi. Alors, on plaisante évidemment, en dédicace à lui qui nous écoute, ça fait grave plaisir. Carrément. Merci. La suite. Allez, la suite, Quentin. Allez, Quentin, pourquoi il rigole, Quentin? Rigole pas. Non, mais dis donc. Allez, vas-y, rigole pas. Oh merde, on les a perdus. Il était amoureux de Bertie d'ailleurs, à l'époque. Ouais, on s'en souvient. Nicolas ? J'espère qu'il tombe en amoureux d'Alison. C'est ça, Nicolas ? Ouais. Arrêtez, il va encore dire que c'est moi qui déconne sur son dos, il va me saouler. Non, c'est moi, Alexis, hein, qui déconne. Non, mais c'est pour rien, c'est une boutade. Laissez-le. Allez, rejoindre sa page photographique, on vous fait un petit coup de pub, Nicolas Guidé, photographie. Voilà. Ah, c'est celui qui a marqué sur son pantacourt là ? Ouais. Non mais c'est comme ça que je l'ai repéré en fait. Officiel approuvé, c'est lui. C'est exactement ça. Voilà, merci. Quand j'ai rien à mettre un like. Oh oui, voilà. Bah t'as vu que c'est pas con parce que tu le remarques quand même. Non, parce que attends, pour expliquer aux auditeurs. Dépose le brevet, mec. Dépose le brevet, on sait jamais. Pour expliquer aux auditeurs, non, voilà. La personne qu'on parle, c'est un auditeur qui nous suit sur pas mal de choses. Et quand on va voir sur sa photo de profil, il a pris un pantacourt en jean qu'il a coupé lui-même, son jean. Et il a marqué sur le jean en marqueur son nom de Facebook. Et c'est marqué, rejoignez-moi sur ma page Facebook. En marqueur, il se promène en ville avec. Il aurait pu faire ça au moins avec un flocage, quoi. Excusez-nous de rigoler parce que ça nous fait un non, peu mais rire, non mais au moins c'est un gros coup de buzz qui a bien marché parce que sa page elle est déjà à plus de 37ème je crois, j'ai vu tout à l'heure. Ah mais les gens on plaisante. En plus sa page elle a 1000 gemmes en plus. Allez, elle a 1000 gemmes, ouais. Allez, mauvaise langue. Alors vous pouvez. Ouais, bon, on va revenir sur les animaux. Langue de d'ours ou langue de serpent? Ça dépend. Non, langue de chat justement. On va y passer. Alors est-ce que à l'heure actuelle vous pouvez lécher votre chat? Info ou intox? C'est une question parmi tant d'autres. Écoute, j'ai jamais eu de chat, j'ai eu que des chattes, après ça dépend. Attends, je peux bien essayer. Moi j'ai un chat chez moi, mais j'aurai pas les chiens parce que t'as les poils et tout, c'est dégueulasse. Attox. Pourquoi tu irais lécher ton chat? Bah, je sais pas. Attox, pour le laver, question, pour Non, mais... L'explication arrive. Pour le laver, parce qu'un chat se lave lui-même en se léchant. Bah, moi je dirais intox. Mais... Parce qu'un chat se lave lui-même en se léchant, il faut jamais laver un chat parce que c'est pas bon. Je m'en doute. Mais non, moi j'ai un intox. Bah, écoute, là je suis tourmenté, je sais pas quoi répondre sur cette question, mais je vais dire intox. Ben. Bah, ils ont tous dit un toc, je vais dire un faux pour essayer de gagner quoi. Eh ben t'as gagné. Oh merde, pour une fois qu'il réfléchit. Je crois que c'était un coup de chat. Oh bah oh. Merci. T'as une sacrée langue. En effet, vous pouvez lécher votre chat, c'est vraiment vrai. Ouais. Il existe une langue synthétique qui permet. Ça peut pas dire que tu peux le faire, mais. En fait, c'est comme un tutu. Tu mets ton truc comme un tutu, en fait ça. Non, y a comme une. Tiens, Nicolas, écoute ça, tu pourras te l'acheter. Et il a pas de chat. Donc c'est un... Il a quel orang-outan? Tu peux acheter, ouais, comme un tutu. C'est une langue synthétique qui s'appelle Leaky. Leaky, d'accord. Donc c'est un genre de tutu, sauf qu'au bout, ça prend la forme d'une langue. D'une langue rapide. En fait, tu peux brosser ton chat comme si tu le léchais, en fait.

hey. À l'instant, Boucorn, bienvenue tout le monde. 21h, 23h, du lundi au jeudi, Alex Libre Antenne sur Radio Mix Floor. Va te faire enculer, ça te donnera des couleurs. Everybody. Allez, bonne soirée à tout le monde, merci d'être avec nous, ça fait grave plaisir, jusqu'à 23h on est là, on bouge pas, c'est les dernières minutes avec vous, ça passe très très vite mine de rien. Il y a Al qui est avec nous ce soir, il y a Quentin qui est avec nous, il y a Tonton Magné, il y a Ben qui est avec nous. J'ai même pas entendu tout à l'heure, je suis arrivé un petit peu, j'écoutais un petit peu quelles sont les techniques pour perdre des kilos, vous en avez parlé. Mais je voulais entendre celle notamment de Tonton Magné qui, je pense que Al, j'ai entendu, c'était par rapport au sexe. Ah oui, non, mais moi c'est pas, on a eu la même. C'était pareil, ok, bon, j'ai c'était une activité, j'ai coupé au même moment. Une activité physique très importante. D'accord. Et avec une hygiène de vie, bon, certes, pas forcément toujours, mais même si on fait des excès, que ce soit alimentaire ou d'alcool, je peux vous dire que dans le domaine, j'y connais, je connais très bien. Si on pratique une activité sportive très importante, normalement ça devrait aller, parce que moi j'ai une hygiène de vie dégueulasse. Et je suis pas très gros. Okay. Je fais beaucoup de sport. Parce que j'ai entendu que tu t'avais mangé un kebab juste avant l'émission, après l'émission. Non, ça, c'était, t'as entendu, c'était un McDo. C'était des hamburgers. Ah, un McDo, un quick, ouais, c'est ça. Voilà. Autant pour moi. Pas de soucis. Il y a du foot ce soir, 22h54. Il y a du foot, qu'est-ce que ça donne? C'est qui s'occupe du foot ce soir? C'est Jean-Yves Ben, ce Jean-Yves Ben. Normalement, c'est Ben. Al, vaut mieux pas. Ah, ok. Bon, qu'est-ce que ça donne? Je sais qu'il y a le PSG qui joue ce soir. Il y a la Ligue des Champions là ce soir. Qu'est-ce que ça donne? Le PSG a fait match nul. Ah, un but partout. Ah, partout. Ouais. Et c'est qui le deuxième but, Manchester? C'est Manchester? Non, c'est Arsenal. Ok. C'est Sanchez. Ah, Sanchez, bah oui, Sanchez. PSG Arsenal, ouais, partout, ouais, j'ai les résultats. Ouais. Sanchez. Okay. Ok, donc et notre match aussi, il y avait Barcelone qui gagnait tout à l'heure 2-0. Barcelone s'est imposé 7-0. Ah, 7-0 ? Ouais. Ah, ouais, quand même, putain. Ouais. Ah, ouais, c'est un match de quoi de... Ouais, il jouait contre des plombiers. Hein. C'est qui ? Il jouait contre qui ? Contre les Celtics. Celtic Glasgow. Putain, 7-0. Et le Bayern s'est imposé 5-0. Ah, ouais. Des gros scores quand même. Bah, les grosses équipes sont déjà au rendez-vous. Comme toujours. Voilà, c'était les champions. Voilà, en tout cas, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Un petit tour de table comme hier. Qu'est-ce que vous allez faire beau de votre soirée? On a envie de savoir parce que la vie des animateurs, généralement, c'est des vies noctambules. Ils dorment pas la nuit. Donc, on a envie de savoir. On va commencer par Ben. Hein. Ben, vous savez qu'il joue la nuit, il dort le jour. Bah, Ben, c'est simple. C'est il rentre chez lui, il va mettre FIFA téléchargé et puis il va attendre jusqu'à 6h pour jouer. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et tu vas jouer à quoi en attendant? Rainbow Six. Ah, Rainbow Six. Bah voilà. Quentin, toi tu vas faire quoi de beau toi? Moi j'allais dormir. Bon allez. Oh là là, je vais me branler. Ah, Nicolas il va être content. Après des mois de demandes sur Facebook, j'ai réussi à l'accepter. Ah bravo, on peut l'applaudir. Bravo, par contre, c'est une place en test, Nico. Si t'es trop chiant, je te dégage. Ah, on a Nico au téléphone. Oh, ça me fait plaisir, hein, merci. Voilà, merci en tout cas. Non, il m'a envoyé déjà un pavé là pour remercier en fait les. En fait, en disant qu'il avait 1000 j'aime sur sa page grâce à ses fidèles. Waouh. Donc voilà, et qu'il savait rire et tout ça, qu'il avait des qualités et des défauts. Bon, je vous en passe les mails. Il a fait sa biographie quoi. On va essayer de lui trouver une copine alors. Qu'il aime pas se moquer les gens, mais qu'il sait rigoler avec les gens. On va essayer de lui trouver une copine alors. Voilà, Tonton Manier, tu vas faire quoi? Ah, mais tu vois son nom de famille, non, malheureux. Ah, merde. Ah, bah si, bah ça lui fera plus de j'aime sur sa page. De toute façon, sur sa page, c'est Nicolas Guidé Photographie. Ah, bah pardon, bah Nicolas Guidé Photographie. Oh, c'était pas liké. En plus, il lui fait de pub. Voilà, c'est gratos. Petite dédicace. Ouais, bon, je lui dis, hein, profite ce soir, hein, la prochaine fois, c'est 50 balles. Ah, bah ouais, effectivement. Bon, enfin, tu te démerdes avec lui pour les 50 balles. Tonton Manier, je vais faire un code botte. Moi, écoute, je vais rentrer, j'ai joué à PES parce que moi, PES, il est déjà sorti, j'ai pas besoin de télécharger, donc moi, je vais jouer avec moi. Ah, le clash entre Ben et qui est en mode FIFA et Tonton Manier en mode. C'est mignon, c'est mignon. T'as joué, j'ai vu tout à l'heure, Ouais, j'ai fait un match. Pas mal ouais, mais il a perdu. Ouais, j'ai perdu, mais bon, c'est la première partie et puis. Combien ça Qu'est-ce qui a changé dans PES cette année? Il y a beaucoup de choses qui ont changé, hein, mais bon, ça c'est comme tous les jeux. Bah ouais, niveau graphisme, après niveau gameplay, bon après c'est les supporters, moi ce qui m'intéresse dans un jeu de foot, c'est les supporters. Ah, les supporters c'est pas mal, il y a quelque chose qui est pas mal sur PES, c'est si tu prends Barcelone et que tu marques un but avec Neymar, tu peux enlever son maillot et tu prends un carton jaune. Et le mec il entend ce coup de terrain. Ah, c'est vrai? T'as aussi Francesco Totti, quand il marque un but, il va voir les supporters, il prend l'iPhone des supporters, il se prend selfie avec. Ah, pas mal. Ah, pas. Et c'est sur quel jeu? C'est sur PES ou FIFA qui a un nouveau commentateur? C'est celui de France 4. C'est sur FIFA. Joueur, là. C'est qui Pierre Ménès. Ouais, Pierre Ménès qui est arrivé. Eh ben là, vous parlez de foot, mais j'ai une info là. Ah. Comme on est dans le Nord et tout, vous avez entendu parler de... le Real de Madrid va se mettre en collaboration avec l'Icemark. Ouais. Donc un petit club de chez nous, pas très loin de chez nous. Et pour du recrutement, c'est plutôt une grosse info. Ah, c'est pas mal, qui est pas du tout. Ah, si, c'est vrai. Ouais, mais c'est vrai. Le Real de Madrid avec l'Icemark. Oui. Même l'Icemark de Madrid sur le bout du rouleau. La classe. Et il y a aussi l'Olympique de Frétin avec Barcelone. Non, mais en même temps, les mecs, ils sont pas cons. Ils savent qu'on a une bonne équipe de France. Ils disent, bah tiens, on va aller chercher dans les petits clubs les meilleurs joueurs français. Ils vont vraiment dans les petits clubs. Ah, bah écoute. Ils disent une collaboration, mais ils disent pas pourquoi. Ça se trouve, c'est pour les buvettes. Non, mais en même temps, les gars sont cons parce que. Ils ont proposé à d'autres clubs qui ont refusé. D'autres gros clubs qui ont refusé, c'est un peu con. Ah, peut-être on sait pas les dessous du contrat, hein. Peut-être que s'ils ont refusé, voilà. Il y a peut-être des clauses très délicates. Oh, les clauses, c'est un échange de joueurs et tout. Enfin, ça m'étonnerait qu'il y a un mec, tu voulais dire écoute, de Madrid, tu viens c'est jouer pas à Marc. Écoute, grand. Cette saison, t'es prêté à Marc. Je peux dire qu'une semaine après, tu le retrouves avec la corde au cou. Hein. Ou tu le retrouves raide défoncé dans les. Aux coulisses. Aux coulisses. Et puis après, tu t'en trouves footballeur dans un café, puis tu voles le patron. Ah, on connaît quelqu'un qui fait ça dans un café qu'on connaît. Bon, reste avec nous en tout cas avec le son des Sports qui arrive dans moins de 3 dernière minutes. Dernière info. Ah, oh. Nicolas Guidé aimerait bien voir Charlotte. Charlotte. Bah, je sais pas. L'appel de Charlotte. Ça l'excite en même temps. C'est Charlotte. C'est pas l'appel de Charlotte. Salut Nico, ça va? C'est Charlotte. Mais elle est proche comment de la voix. Aujourd'hui elle est proche de la voix à Nicolas en fait, la voix de Charlotte, je trouve, non? Non, ça c'est Nicolas Guidé. Ça salut. Bah ouais, ça, et Charlotte. Et salut, c'est Charlotte. C'est la même, mais plus doucement. C'est Charlotte. Ah bah, j'adore les pervers. Grosse info, Ben a coupé la parole pour prendre la parole. Wow. Énorme. Ouais. En moins de 3 minutes, il va montrer sa bite. Ouais. Et le plus con, c'est qu'il fait ça à 2 minutes de la fin. Oh, merde. Et dans 3 minutes, il paye son verre à tout le monde. Ouais. Parce que là, il en peut plus, il a envie de rentrer chez lui, FIFA et tout, du coup, il est excité. Ouais, et bah, du coup, je vous emmerde et tout. Je vous emmerde, je vous pousse au cul, je vous chie la gueule. Bon, allez, vas-y, sur ce, une très bonne soirée, 23h tout pile dans toute la France. Merci à toi, là. On te retrouve demain, non? Demain, ouais, demain. Demain, il sera là demain. On retrouve Tonton Manier jeudi. Non, la semaine prochaine. Non, t'as dit jeudi? Non. Si, t'as dit jeudi tout à l'heure dans le planning. Non. Je suis là mardi prochain. Peut-être jeudi. Lundi, peut-être. Non, t'as dit peut-être jeudi tout à l'heure. Non, je suis fou, il a dit peut-être jeudi. A dit peut-être jeudi pour le défi. Ah, d'accord. Non, c'est okay, même pas vrai, c'est un menteur. C'est même pas vrai, je serais pas là jeudi, c'est sûr. Je peux être. Par contre, les gars, je suis en train de. Attendez, on a encore une minute là. Juste un petit truc, je suis en train de travailler sur un truc. Est-ce que vous avez regardé là, il y a aujourd'hui et hier à TPMP? Ils ont une sorte de défi avec les boîtes de conserve qu'ils ouvrent et que ça pue la mort. Ouais. Je suis en train d'essayer de les avoir ici pour la Libre Antenne pour un défi. C'est quoi? C'est des boîtes de conserve périmées en fait? En fait, c'est ça vient d'un pays du Nord en fait. Je sais plus exactement où. De Norvège, je crois, si je dis pas de conneries. Et en fait, c'est du poisson en conserve fermenté. Mais il paraît que dès que t'as fait un tout petit trou dans la boîte, l'odeur est tellement dégueulasse que t'en as des holkers en fait et que la plupart des gens vomissent. D'accord. Okay. Sinon, je regarde les boules puantes hein, dans la page. Non, mais il paraît que ça, c'est vraiment énorme. Donc là, j'essaye. Mais le problème, c'est qu'apparemment, c'est interdit en France. Donc pour les faire rapatrier, c'est un petit peu chaud. Après, on peut essayer de les concevoir nous-mêmes aussi. Ah non, mais j'ai vu sur internet, là, t'as des sites qui te les envoient bien. Tu sais, tu prends du poisson, tu le mets une semaine dans le slip à Jojo. Je veux dire que. Il sera aussi bien fermenté. Hein. Bah, ça va, il écoute pas, il est plus connecté. Ouais, bon, on s'en fout justement. Sinon, pour info, j'ai toujours 50% de réduction sur les produits de la gamme VitroClean. Arrête, ça me rappelle le Bretignol, tu vas me faire pleurer. Attends, j'ai l'envie, c'est plus bon depuis 2014, je tiens à le préciser. Bon, en tout cas, merci à vous. Demain, je vous offre des cadeaux d'ailleurs. Demain, on a eu pas mal de cadeaux qui sont arrivés hier. Et ben,